Vous avez découvert sur Fun Radio avec Justin Bieber pour To You ou encore le nouveau Sigala avec Camille for Love. Belle soirée tout le monde, on se retrouve à minuit pour terminer le week-end en beauté avec Party Fun Deep 22h. Le Night Show, et puisqu'il est 20h dans quelques secondes, eh oui, je vous laisse avec une équipe. Bonsoir. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont bronzés. Mais ça va très bien. On est bronzés, soleil, tout. Ouais. Et Karel, j'avais un petit cadeau pour toi. Ah bon? Ouais. Vas-y, raconte. Voilà, c'était l'appel du 18 juin. Voilà. Oh putain! Ah ouais, non mais ça, j'imagine que hier soir, tu sais, avant d'aller se coucher, il y a pensé à ce truc. Même pas! Et tu sais, non mais c'est le genre d'idée. Non, mais tu il n'a pas compris parce que pour lui, l'appel du 18 juin, c'est le baiser avec la langue. Ah, c'est ça? Oui, ça marche aussi. Eh ben, tu sais quoi, on va vous laisser faire une émission tous les deux. C'est gênant. J'ai l'impression que vous êtes trouvés. Bref, il y a un truc. C'est pas grave. Ça va matcher avec le doc. Très bien. Oh, eh ben, nous on est parti jusqu'à 22h. C'est Love in Fun. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Salut tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio dimanche soir. On est là, en direct, sur Fun Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'est encore le week-end, profitez bien tout le monde. Je vois tout le monde ici avec des petites couleurs et tout le monde a profité du soleil. Je m'appelle Karel, bonsoir Doc. Salut, avec des coups de soleil aussi. Ah ouais, il a des petits coups de soleil et tout. Vas-y, t'as fait quoi ce week-end? T'as bronzé un petit peu? Oui, puis je suis allé voter, j'ai remarqué ici, 2 sur 7 qui ont voté. Ah, on est en dessous de la moyenne nationale. On s'est fait engueuler par Doc. Si tu ne votes pas. Non, pas toi, t'as voté. Oui, moi j'ai voté, ouais, c'est vrai, ouais. Bah, enfin, chacun fait ce qu'il veut, Doc. Non, mais je constate. D'accord. Bon, bah écoute, en attendant, on va parler de tes coups de soleil. Je crois que c'est mieux. Et on va parler de ceux d'Alice. Il y a d'autres choses. Oui. Ah oui, ceux d'Alice. Ah bah oui. J'ai pas de coups de soleil. Oh punaise, elle s'est décolorée les cheveux. Mais. Oui, ça fait à peu près 18 mois. Et Doc vient de remarquer que ça faisait 6 mois qu'Alice avait fait son tie and dye. Mais tu la regardes même pas. Hein. Non, mais j'ai pas pris de couleur. Non, j'ai été 20 minutes au soleil, donc pas de coup de soleil, quoi. Oui, si, quelques petites couleurs. T'es un petit peu bronzé et tout. Non, c'est pour ça que je vois les cheveux blonds. Alors. Ah, c'est pour ça. Ouais, ça ressort davantage. J'espère que vous aussi, où que vous soyez. D'ailleurs, j'ai une pensée pour ceux qui rentrent de week-end, qui sont sur les routes peut-être en ce moment. Il y en a aussi qui sont dans la chambre, en train de réviser pour l'anglais demain. Bon courage à vous aussi. En tout cas, merci. Les maths, non? Ouais, non, je crois pas. Non. Pour ES, si. Ah non, demain c'est langue vivante. Pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Aussi. Hein, j'ai révisé l'émission, j'ai regardé les programmes pour demain. Tu te trompes. T'as révisé l'allemand? Ah, bah, non, j'ai juste révisé les épreuves du bac. Hein. Ah, bah, je prépare l'émission, bien sûr, j'avais que ça à faire. on a bien sûr Kassim, le producteur de cette émission, qui produit pas grand chose finalement. Ah ouais, c'est ça, je suis à la couche. Ah bah, je suis bien, je suis là. Joff à l'arrêt, ça va Joff? Ouais, nickel. Passé un bon week-end, qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end? J'ai acheté des meubles. Voilà, c'est ça. Wow. Donc, il y en a un dans l'équipe qui a des week-ends de merde, c'est Joff. Non, mais en même temps, t'as été chez Ikea, c'est ça? Ouais, Alinea, Ikea, tout ça. Ah, oh, c'est génial. T'as bouffé le petit hot dog dégueulasse? Non, j'aime pas le cheval. Ah, mais, bon? Cheval chez Ikea? Ah ouais? Ah, je veux pas dénoncer. Ah ouais? Non, c'est du renne, mais pas du cheval. Non, c'est dégueulasse. Non, vous êtes sérieux là? Oui, il y a de la viande de renne. Ah ouais? Ah oui, ça je peux te le confirmer. Il y a de la viande de renne chez Ikea. D'accord, ok. Eh ben voilà, le message est dit. Ikea, si tu veux te défendre, tu peux nous appeler. Hein. C'est une émission qui dénonce, bien sûr, chaque soir. Cindy est au standard. Guillaume est absent ce soir. Ouais. Guillaume. Encore? Oui, il a pris son RTT. Il est comme ça. Il est comme ça. On a Cyprien qui remplace Guillaume. Donc si ça veut dire que si Cyprien est meilleur que Guillaume, on va garder Cyprien, c'est ça? Non, je déconne. On est une équipe. Le RTT devait reprendre toute la semaine. C'est ce que ça veut dire, RTT, retiens-toi tout le temps. Oh putain. Et Doc est en forme, je vous le dis, ça va être une belle émission. Voilà, Axel est avec nous. Qui pète tout le temps, bref. Axel, 16 ans, de Cergy est là. Bonsoir Axel. Salut Doc, salut Karel, salut Adi. Salut à toi Axel. Tu es en plein week-end. Qu'est-ce que t'as foutu toi de ton week-end, Axel? J'ai passé mon week-end dans ma piscine. Non, et ben voilà, et ça on va, a vu. Bâtard. Oh, bah ouais. Mais t'as raison. Non mais c'est ça. Et, tu sais nager, oui? De quoi? Non, rien. Non, tu sais nager? Doc, te demande. Bah si oui. Tu... Oui, non mais c'est. Ah bah attends, c'est mieux. Non mais alors tu me diras, il y en a plein qui disent avoir des piscines, mais en fait ils ont la petite pataugeoire, hein. Ah c'est déjà ça. Franchement, je suis le premier à la prendre tous les ans, hein, parce que après mes chiens crèvent le truc. Et toi, Axel, t'as quoi comme piscine? Une piscine sous terre, dans le jardin. Ah ok, donc ouais, tu es issu d'une famille riche, Axel. Voilà. Tu vas être notre auditeur du soir, hein. Ok, ouais. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir dans l'émission? Alors, ça sera d'écouter le son de David Guetta et d'Afrojack. C'est ça. Ah oui, ça dans la piscine, ça va être top. Ah, tu m'étonnes. Full party jusqu'à 2h du mat avec le son de Fun Radio. Afrojack, David Guetta. On écoutera aussi Black M et Sopra avec Frérot. Et dimanche soir à la cool, qu'est-ce qu'on va écouter? Sound of Legend. Axel, notre auditeur du soir qui a fait de la radio avec nous pendant deux heures, on accueille Clément. Clément, 17 ans de Paris. Salut Clément. Salut. Salut Karel, salut le doc, salut Alice. Si vous voulez faire comme Clément, passer sur l'antenne, il suffit de nous appeler, vous voulez pousser un coup de gueule, poser des questions, profiter, il y a Doc qui est là, 01 42 48 5000. Clément, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Bah, en fait, ma sœur, elle a 23 ans, elle a une maladie qui s'appelle la mononucléose. La muco. Ah oui, non, c'est pas voilà. Ah oui, oui. La mononucléose, c'est une maladie virale transitoire qui peut effectivement entraîner quelques signes, mais la mucoviscidose, c'est une maladie chronique, génétique et congénitale depuis la naissance. La mononucléose, c'est la maladie du bisou. Kissing disease. Donc ouais. En fait, on le chope en embrassant son par partenaire. La salive, et donc on est très exposé à l'adolescence parce que ça, c'est à l'adolescence qu'on roule le plus de pelles. D'accord, elle a chopé ça quand, ta sœur Clément? Bah justement, je sais pas du tout. D'accord, mais elle, là, en tout cas, elle a été voir un médecin qui lui a dit ouais. « Vous avez la mononucléose ouais, ». D'accord. C'est ça. Un petit bilan. C'est chiant, ça, à traiter, Non, c'est fatigant, c'est tout. Ça donne un peu une petite hépatite, mais pas méchante. Et surtout, beaucoup de fatigue, ça peut durer jusqu'à 3 mois. Ouais. À part ça, on guérit toujours du mononucléose, a priori. C'est d'accord. Ça. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur, Clément? Et bah justement, si je vous appelle, c'est parce qu'en fait, depuis quelques jours, bah, elle est très fatiguée, madame est très fatiguée. Et elle monopolise tout, la télé, l'ordi, tout. Et l'autre jour, on s'est embrouillé, un peu en mode vénère. Ouais. Et au moment où j'allais lui crier dessus, elle m'a craché dessus, et bah ça m'est rentré dans la bouche. Ah et j'aimerais savoir si je peux avoir la maladie ou pas. Ah bah oui, bien sûr, je confirme. Attends, mais c'est génial. T'imagines le pouvoir que t'as quand t'as la mononucléose? Vas-y, bouge-toi, sinon je te crache dessus. Comme elle l'a fait. Ah ouais, elle t'a craché dans la bouche, Clément. Ouais, ouais. La connasse, fait... non mais elle se rend compte de ce qu'elle a attends, fait. Attends, juste, ça fait combien de temps qu'elle a ça? Bah, je sais pas. Ah bah si, c'est important. Savoir si elle sécrète toujours ou pas des virus. Ah bah ouais. Je sais qu'elle est fatiguée depuis une semaine, elle est fatiguée, elle a mal à la tête, elle a mal à la gorge. Ah bah si, c'est d'accord. Ça, ouais, t'es bien parti. Et toi, tu te sens un peu fatigué ou pas là ce soir? Attends, ça va venir. Non. Il y a une période d'incubation, non? Ah oui, un peu quand même, mais ouais, bon, voilà. Après... Non mais quelle idée. Ça dépend, il a pu être contaminé avant aussi. Mais genre, t'as lâché un gros molar sur la gueule ou pas? Bah ouais, au moment où j'allais parler, elle m'a craché dessus et bah c'est entré en plein dans la gueule. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, t'as mauvais, j'en voulais. Bah on s'est juste embrouillé quoi. Et là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on l'appelle? Tu veux quoi? Non, je préfère pas. Ouais. Mais voilà, j'aimerais savoir si j'embrasse ma reste, est-ce qu'il y a des risques? Quelle est la maladie aussi? Oui, bien sûr, et l'incubation, c'est de 1 à 3 mois, mon ami. Mais non! Ah oui, putain! Mais ça va être donc en plein mois d'août. Putain, non, c'est le pire coup de pute de la Terre, là, Clément. Bah si. Elle vient de te niquer tes vacances, Clément. Parce que pendant un mois, tu vas pas pouvoir embrasser ta meuf. Déjà que je l'aimais pas, alors là... Arrête. Ah bah non, mais Doc, rassure-le quand même, sa maladie, ça va se déclarer plus rapidement, non? Ah non, non. Ah non? 1 à 3 mois. Ah ouais? Eh bah écoute... 3 mois? Ah bah ouais, 3 mois. Le premier symptôme, 1 à 3 mois, oui. Ah ouais, ouais. Kassim, producteur. Ouais, je viens d'aller sur Doctissimo, je viens de voir que tu vas mourir, en fait, dans 2 semaines. Non, ferme ta gueule. Sur Doctissimo, on lit beaucoup de conneries. Hein. Clément, j'ai une bonne nouvelle. Oui. C'est bientôt les vacances, la mauvaise, c'est que tu vas pas pouvoir en profiter. Bof. Putain. Le mec est dégoûté. Non mais avec Clément, il y a des chances aussi pour qu'il l'ait pas attrapé, Doc. Rassure-le quand même. Mais il l'a peut-être déjà fait, ça c'est une possibilité, sans le savoir. Bon voilà, c'est tout. Mais sinon, il va le savoir dans quelques temps. C'est voilà, 1 à 3 mois. En tout cas, il n'y a pas de traitement préventif, c'est ça la question. C'est pas possible. Ouais, bon bah désolé Clément. Putain. On aurait aimé t'annoncer une bonne nouvelle, mais non, il n'y en a pas en fait. Si, c'est bientôt l'été. Tu fais quoi la fête de la musique mercredi soir? Bah, j'allais chez ma meuf. Eh ben, faudrait écouter Fun Radio maintenant. Salut Clément. Salut. Et à bientôt. Hein, et... À bientôt. Reste positif. Il n'y a pas trop de positif là-dedans. Hein. Eh ben, on embrasse ta sœur en tout cas. Enfin, pas sur la bouche. Gros bisous à toi. Ciao Clément. Bisous. Et voilà, si vous posez des questions comme Clément là qui vient d'apprendre une très très bonne nouvelle, hein, 01 42 48 5000. Ah ouais, carrément, lui cracher sur la gueule et dans la bouche dans en la plus. Dans la bouche, oui. Belle perf, hein, mine de rien, parce que c'est pas évident d'atteindre la bouche. Clara est avec nous. Bonsoir Clara. Salut tout le monde. On est dans le nord de la France. Elle est à Lille, Clara, une Lilloise. T'as 16 ans. T'appelles pourquoi, Clara? Parce qu'en fait, j'ai rendez-vous chez le gynéco la semaine prochaine et j'ai peur que ma mère, elle apprenne que je suis plus vierge. Ok, ah, d'accord. Ça, je vais te répondre tout de suite, ça va être vite fait. Il n'y a pas de problème, on va tout te dire, Clara. Restez bien avec nous. On va écouter Katy Perry. Et ça fait plaisir. Chain to the Rhythm. Et c'est dans 3 minutes, à tout de suite, les amis. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LovinFun. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Fun. Dead Eid. The Chainsmokers et Louane. Et Dia. Hi, it's Jonas Blue on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés. C'est Fun Radio. Le son dance floor. Bonjour. Alors, je voudrais 500 g de lunettes de soleil, 3 louches de crème solaire et 2 belles tranches de tongs. Je sens que je vais me régaler cet été avec EasyJet. Offrez-vous des vacances d'été délicieuses avec EasyJet et envolez-vous en Europe à partir de 35 €. Conditions et réservations sur easyjet.com. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95 €. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95 €. À partager ou pas. Pour votre santé, bougez plus. Fun Radio présente l'Electro-Sound Festival. L'Electro-Sound Festival. Le 1er juillet, pour la première fois sur la scène du théâtre de plein air à Colmar, retrouvez les plus grands artistes électro du moment. Sound of Legend, Eva Simons, Timmy Trumpet, Vinay et Riyab. Fun Radio, partenaire de l'Electro-Sound Festival de Colmar. Infos et réservations, points de vente habituels. Electro-Soundfestival.com et funradio.fr. C'était une belle soirée. On avait nos meilleurs amis. Une fois de plus, on a refait le monde, jusqu'à pas d'heure. On a bien mangé, bien rigolé, bien bu aussi, c'est vrai. Alors je leur ai proposé de dormir à la maison. Comme ils n'étaient pas loin, ils ont préféré rentrer. Et comme j'ai pas insisté, on s'est dit au revoir. Et nos amis sont jamais arrivés chez eux. C'était un adieu. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Et on a retourné le problème. On a fini par trouver une solution parce que vous étiez tellement nombreux à nous demander les casques de réalité virtuelle de la marque Omido qu'on a réussi à vous obtenir encore plein de casques à gagner avec le défi. Fallait pas demander. Appelez-nous. Et voici Katy Perry sur Fun Radio. Never be. It is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in our high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up the liars. Katy Perry sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Dites-le à vos potes, tous vos amis, on est là tous les soirs sur Fun Radio du dimanche et jeudi pendant 2h, 20h, 22h avec un vrai médecin en plus. Moi je m'appelle Karel, il y a Alice qui est là, Kassim, toute une équipe. Ouais. Qui vous accompagne à chaque soir du dimanche au jeudi. Le numéro pour nous appeler 01 42 48 5000. Vous savez qu'on est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, le Twitter, le Snapchat bien sûr. D'ailleurs, j'ouvre quelques snaps en direct. C'est parti. Attention, ouverture de l'application. Et nous sommes actuellement dans le chat. Un petit message de Matt. Matt qui nous dit... Alors, 32 degrés, c'est long pour nettoyer la voiture. Bon courage à toi, il y en a qui nettoient la voiture. Je te présente ma mini piscine de 30 cm d'eau, mais elle est bien quand même. C'est Enjoy Lou qui nous envoie une petite piscine, là. Il y a Mylène aussi qui nous écoute, qui est connectée. Salut à Théo Krypton, également à Mylène qui se fait un petit apéro. Yo-Yo Yoga, qui nous dit trop mimi. Ah oui, parce que j'ai mis un petit snap, j'ai été gâté par mon fils, c'était la fête des pères. Ah oui. J'ai eu un morpion. Ah oui, non, moi tout me plaît. Et j'ai eu un petit dessin avec marqué Je t'aime papa. Oh, voilà. Il y a une petite faute. Non, parce que d'habitude, les morpions, c'est pas les enfants qui les filent. Non, mais tu sais, c'est le jour là, Doc. Ah, oui, enfin, d'accord, Doc. Il a 6 ans. Enfin, Maxime aussi qui nous envoie un message qui dit Salut, ça va de Sable sur Sartre. Voilà. Un petit bisou Sablé à toi. Sablé sur Sartre. Ouais, moi je lis comme village connu pour d'autres raisons. Arrête de te la péter sur ta géographie. Hein. Tout le monde n'a pas tes qualités. Il y a Sinsi là aussi qui nous envoie un petit message qui nous dit qu'il se fait une petite pizza. Une petite pizza en écoutant l'émission. Et puis enfin, Gabin. Gabin qui nous envoie un snap avec du noir. Bravo Gabin, c'est un snap très original qui n'aura servi à rien. Continuez en tout cas d'envoyer vos messages, dites tout ce que vous faites en écoutant l'émission. On va accueillir Clara, elle a 16 ans, elle est à Lille. Bonsoir Clara. Salut tout le monde. Salut Clara, alors raconte un petit peu, qu'est-ce qui va t'arriver toi bientôt là? Bah, en fait, dans une semaine, j'ai rendez-vous chez gynéco, sauf que j'ai peur que ma mère apprenne que je suis pas vierge. Alors déjà, tu as 16 ans, tu as ta carte vitale perso? Normalement, oui. Tu as dû la recevoir. Bon, oui. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, tu y vas seul. Pardon, que j'ai pas entendu. Tu vas au rendez-vous seul. Voilà. Non, je vais avec ma maman. D'accord. Alors, le médecin doit te recevoir seul. Ouais. Et ta mère doit rester dans la salle d'attente. Si c'est pas le cas, tu refuses. C'est le premier examen gynéco. Oui. Le premier examen gynéco, il n'y a pas d'examen de la vulve, il n'y a pas de toucher vaginal. Pas de doigt. Il n'y a pas de mise en place de spéculum. Ça, c'est une règle en médecine immuable. Pas de doigts, pas sauf de spéculos. Si effectivement, tu déclares, par exemple, avoir des pertes abondantes ou des douleurs ou des signes locaux d'inflammation. Mais si tout va bien, si tu n'as pas de symptômes particuliers, l'examen gynécologique ne fait pas partie du premier examen. D'accord ? D'accord. Et s'il fait l'examen devant ta mère et qu'il dit des choses à ta mère, eh bien, il rompt le secret professionnel. C'est extrêmement grave. Il ne peut pas le faire. Si tu étais en danger, évidemment, il pourrait dire à ta mère... Voilà, très bien, mais ce qui n'est pas le cas. Ah donc, oui. Voilà, il ne peut pas, donc il doit te recevoir seul, et si ce n'est pas le cas, tu lui dis, voilà, moi je voudrais... normalement, ta mère, si elle te respecte, j'espère que c'est le cas, elle doit sortir au moment où il t'examine. Bah, il rentre c'est pas, le moindre quoi. Des choses. Oui, il ne va pas regarder, ou il tourne la tête. Quand tu avais été chez ta gynéco, toi Alice, c'était un mec ou c'était une fille d'ailleurs? La première fois, j'avais été au planning familial avec un mec, mais la première fois où j'étais avec ma mère, c'était une femme. Et finalement, ce qui me faisait stresser aussi, c'était cette même situation. Et je me disais, merde, c'est la gynéco de ma mère, elle se connaît. C'est tout. Ah ouais, ouais, et ouais. Si elle repart les moments où je suis pas là. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai fait comme Doc, ça s'est très bien passé. Elle était pas avec moi dans la salle. Et puis bon, je veux dire, les gynécos se doutent bien aussi qu'on partage pas non plus tout avec nos parents à ce niveau-là. C'est pas nécessaire. Il doit respecter vraiment. Respecter le secret professionnel. Bon, alors là, tu vas la voir seule. Quand tu la vois seule, elle va te poser la question. Oui, j'ai déjà eu des rapports sexuels, mais je ne souhaite pas que ma mère soit au courant. Point. D'accord. Elle n'a pas le choix. Ouais. Elle ne peut pas le faire. Ok. D'accord ? Ok ? Ouais. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Secret professionnel, c'est plutôt cool, ça. Ben, oui. T'es un peu comme un agent secret, toi, Doc. Hein. Tu ne peux pas tout dire, en fait. Hein. Ben, non, c'est dangereux, quand même. Ah, bien sûr. Après, moi, je me suis toujours posé une question. Bah, je sais pas, t'as jamais été chez le gynéco, Clara ? Non. Oh, tu vas devoir écarter les jambes et tout. Non, c'est ce que je viens de dire. Asseyez. Je répète. Allongez-vous, madame. Je pas répète. La première fois. Et là, vous sentez, madame ? La première fois, non. Ouais, non, pas mais la deuxième. Fois. Non, mais et je veux dire. Il y en aura bien une fois où. Voilà, ah, quoi. Oui, mais tu vois que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a l'habitude de faire ça. Je veux dire, tu t'es absolument pas gêné par la situation. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça gênant, quoi. Mais ils font comme en sciences physiques, genre, ils vous mettent une petite éprouvette avec un pH neutre. Oui, on est à quatre pattes, les fesses tendues, n'importe quoi. Non, mais c'est plus désagréable de se faire examiner la gorge. Hein. Ah ouais ? Bah oui, si tu mets un bâton dans la gorge pour s'examiner, c'est beaucoup attends, plus grave. Attends, c'est-à-dire que tu disais qu'ils inséraient des spéculums, là. Je veux dire, le mec, il met ça quand même dans le vagin, quoi. Oui, mais doucement. Ouais, ça va, on met bien des tampons tous les mois, hein, on s'en sort très bien. Oh, je sais pas comment vous faites. Ah, non, mais vraiment, Clara, je te trouve très courageuse d'être une femme. Hein. Bravo. Ah mais non, mais bravo. Et alors, tu nous tiens au courant et secret professionnel, d'accord ? D'accord. T'es rassurée ? Oui. Eh bah, tu reviens quand tu veux, Clara. Gros bisous à toi. D'accord, merci, bisous. Salut. Et alors, restez bien avec nous parce que dans un instant, on va prendre des nouvelles d'Idriss. On s'en souvient bien. C'est sa nana qui se rongeait les ongles de pied. Ah oui, et il nous avait appelé. On l'avait appelé d'ailleurs parce que franchement, c'était pas possible se ronger les ongles de pied. Restez bien avec nous. Oui. On fait un petit tour là des réseaux sociaux dans un instant. Et puis, bien sûr, on écoute Calvin Harris. Voici le tube avec Frank Ocean. C'est Slide sur Fun Radio. Sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 patent Picasso. Bitch, it be dipping, dabbing with niggas like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color, working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, bitch, I'm out of it. Do you slide on all your nights like this? Trop cool, ce sont Calvin Harris, Frank Ocean avec Slide. Loving Fun. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. C'est tout ça, Love in Fun, avec vous tous, vous toutes. 01 42 48 5000. Vous savez que le dimanche soir, particulièrement, mais pas que, d'ailleurs, on aime bien prendre de vos nouvelles. Petite prise de news. Idriss est avec nous, 23 ans de Paris. Salut Idriss. Salut l'équipe. Salut Idriss. Idriss, qu'on connaît un petit peu plus dans son intimité, puisqu'il est passé à l'antenne de Love in Fun il y a peu. Hein, tu nous avais appelé en fait, pourquoi Idriss? Je voulais afficher ma copine parce qu'elle se rongeait les ongles de pied. Parce qu'elle se rongeait les ongles de pied et au final, c'est un peu elle qui t'a affiché. Je vous propose de réécouter ce qui s'était passé derrière. On débrief, c'est parti. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va? Bah oui. Ouais, en fait, t'as vu, je t'appelle. Je viens de rentrer à l'appart, tu sais que t'es chez ta pote ce soir. Ouais. Mais franchement, les ongles de pied par terre, c'est relou, quoi. J'ai encore fait le ménage et tout, franchement, c'est relou. Je remets ça sur le tapis, t'es lourd. Non, non mais c'est marrant, tu vois, genre, c'est marrant au début, mais là, franchement, ça devient lourd, quoi. Non, mais j'ai dit hier aussi, tu me le dis maintenant, alors que hier, tu disais rien. Non, mais en fait, je t'appelle, mais genre, en fait, c'est en fin de radio, tu vois. Vas-y, passe la pile au lieu de dire des conneries. Non, je te jure, c'est en fin de radio, bébé, je vais t'afficher un peu. Et si t'es serré, t'es vraiment... Pourquoi il y a personne qui parle? Bah écoute, je vais leur donner le privilège de parler alors. Bien, il y a personne qui parle, donc t'as vu, t'es un mytho. Karel? T'es un mytho. Non, je te jure, c'est vrai. Non, t'es un mytho, gars, il y a personne qui parle. Vas-y, casse-toi les couilles, passe la spile, fais-moi pas chier, je suis en train de bouffer, bâtard. Non, mais sérieux. En fait, tu viens, genre, tu me parles donc de pied, je suis en train de bouffer, enculé. Bah ouais, mais c'est tes ongles de pied à toi, c'est pas les miens, tu vois ce que je veux dire. Mais vas-y, c'est bon, il y a un petit coup d'aspi, il n'y a plus rien. Non, mais c'est bon, j'ai fait le ménage déjà, mais franchement, t'arrêtes vraiment, tu vois. Mais en plus, t'as un gros mytho, tu sais plus quoi inventer, toi, dans quelques secondes, ça va parler. Pourquoi tu fais genre? Tu me dégoûtes, bâtard. T'inquiète-moi, demain j'appelle Skyrock, tu dis que quand t'es au téléphone, genre tu touches ton visage et tout. Ah non, pas Skyrock, merde, ouais. C'est quand même mieux, Faradio. Voilà. C'est quoi ça? Pas déconner. Salut Manon. Salut Manon Lacrado. Manon, dans toute la France. Toute la France, c'est que Manon. Alors, t'as quel âge, Manon, en fait? Ah non, mais je dis plus rien, là. Je suis anonyme. Alors, ça va, t'es à Paris, t'es dans une grande ville, t'as de la chance, hein. T'as de non, la chance, je dis rien, je vis nulle alors, part, tu sais quoi, on a tous dit que c'était dégueulasse. À la 23 ans. Ah, oui, non, mais d'accord, à la 23 ans. Dis-moi, juste pour lui, qu'est-ce qu'il fait de dégueulasse, lui? Ah, est-ce qu'il mange ses crottes de nez? Mais non, mais il les étale en dessous de la table. Ah, oh, les vies, tu veux faire le gars qui affiche, le petit con. Bah, des fois, il met ses crottes de nez dans les trucs, dans les magasins quand on fait les courses. Derrière les rayons. On a la famille porc. La petite chouin. On a la famille porc au téléphone. Idriss et Manon, vous êtes un couple et franchement, vous allez bien ensemble, j'ai l'impression. Ouais, on est des gros crades. Non, mais c'est pas vrai. Franchement, oh, t'es pas bien là. Je sais que t'es au téléphone, t'as ta main dans ton caleçon, là, gros dégueu. Oh, bien oui. Bien oui. Ça, tous les mecs le font, la main dans le caleçon. Même Doc, il met la main dans quel but. Non, mais des fois, il tient son téléphone juste avec l'oreille et il a les deux mains et tout. Genre, il est ridicule, il parle que moi. Vous avez l'air bien amoureux l'un de l'autre, en tout cas. Quitte à accepter les crottes de nez et les ongles dégueulasses. Un peu cash quand même. Ouais, bah, ils ont l'air de bien aller ensemble. Idriss et Manon. Ouais, c'est mon chéri de ma vie. Ouais. Et bah voilà. Et bah vous aimez, malgré tous ces petits tracas, ces petits défauts. On vous fait des gros bisous à tous les deux. Beaucoup de bonheur. Idriss, ouais. On a passé le message et tu l'as affiché ta meuf dans toute la France. Ouais, mais je vais me venger de toute façon. T'hésite pas à nous rappeler Manon pour balancer un gros dos sur Idriss. D'accord. Ouais, je vais réfléchir à ça. Salut. Ciao. Et quelques jours plus tard, on est avec Idriss. Je disais, tu nous rappelles pour nous balancer du dos. En fait, il y en avait tellement déjà des dos, avec notamment cette histoire de crotte de nez, Idriss. Ouais. Hein, hein. Alors, Elle a fait la meuf un peu. Bah, elle s'est défendue. Ouais. Ah ouais, non, mais. Ouais, normal, c'est normal. C'est l'arrosé, là, pour toi. Ouais, après... c'est l'amour, ouais, c'est comme ça. Non, mais après, je comprends Idriss, franchement. Tu vois, ta nana qui est en train de se faire les ongles de pied avec ses dents, quoi, c'est bon, chaud. Alors... Pas très glamour. Les crottes de nez non plus. Ouais, mais je le fais pas devant elle. Ouais, c'est ça, mais tu le fais quand même. C'est mieux quand elle découvre. C'est mieux. Et après, elle t'embrasse, tu vois, c'est dégueulasse. La suite. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, ça a coupé, en fait, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. On veut savoir la suite. Avec ta nana, est-ce qu'elle a arrêté et tout? On veut des nouvelles. Bah ouais, en fait, on a trouvé un compromis, en fait, elle arrête de faire ça, moi j'arrête avec les crottes de nez. D'accord, okay. Ah, le deal, t'imagines. Ouais. Donc du coup, elle a arrêté, mais moi je continue parce que je trouve ça drôle. Ah mais d'accord, ok. C'est bon ça, j'espère qu'elle écoute en fait, pas. Hein. De temps en temps, je lui laisse des petits cadeaux sous la table. D'accord, oh, c'est dégueulasse. Allez, c'est toi dégueulasse dans l'affaire. Ah ouais, non, c'est horrible. Non, mais j'espère qu'elle écoute. Elle est chez sa pote là, donc je sais pas. C'est marrant, tout est chez sa pote à chaque fois que t'appelles. Enfin, elle a raison, elle sort, elle profite, elle est jeune, elle a raison. C'est pas quand on aura des enfants et tout que... D'accord, ok Idriss, bon, t'es plutôt cool en tout cas. Merci beaucoup d'avoir filé des news. Y a pas de problème, merci à vous en tout cas. Bon courage à vous. Merci. Salut Idriss. Bonne soirée, bon courage l'équipe. Ciao à toi et merci beaucoup. Il y a Florian qui nous a envoyé un petit message là ce week-end. C'est quoi son message, Alice? Bah en fait, il a testé le string de sa meuf pour rigoler comme ça. Et en fait, maintenant, il kiffe en porter. Il trouve ça super confortable. Et il préfère porter des strings de temps en temps plutôt que des boxers. Du coup, on va parler des sous-vêtements que vous préférez porter. D'accord, on en parle dans un instant. Alors franchement, le string, j'ai essayé une fois. On m'en avait offert un. Alors c'est toi qui me l'avais offert, Alice. Ouais, c'est vrai. Je l'ai essayé le truc. Oh là là, non, le truc qui te rentre dans le cul, c'est insupportable. Ça dépend lesquels. Je n'aime pas du tout. Voici Black M et Soprano. Frérot sur Fun Radio Love in Fun. Les histoires d'amitié ça fait mal. J'ai vu des frères y laisser leur vie au final. Oui, quand le diable s'en mêle, il dira t'es le seul à pouvoir aller au sommet. J'ai voulu soulager mon ego. Je me répète, je voulais pas faire de mal à mon frérot. On a fait les 400 coups. Tout ce qui se passe autour de moi, mes vrais gars s'en foutent. Ensemble depuis tout petit, mon cœur se resserre à l'idée qu'on est devenu ennemi. Les hommes aujourd'hui c'est plus la même, mon ami, je suis devenu un père de famille. Mon ego, pas devant les frérots, je voulais juste un frérot. Va faire du mal à mon frérot. Oh mon ego, dites-le moi si j'en fais trop. Devrais-je repartir à zéro? Va faire du mal à mon frérot. Frérot. On me dit que ta fille va bientôt rentrer au lycée. Elle doit être trop belle. Connaît-elle notre histoire, nos liens fraternels? Je sais que mes rêves m'ont éloigné, mais pour toucher les étoiles faut savoir s'envoler. Ça me fait de la peine quand tu penses que j'ai changé pour de l'oseille. Un vrai frère ne doute pas du cœur des frères, surtout quand il se bat pour s'en sortir. Avec tout ce qu'on a traversé, j'espère que la vie a prévu de nous réunir. Mon ego, pas devant les frères. Kem et Soprano sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. Love and Fun. 01 42 48 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Bon courage à ceux qui sont sur les routes. J'ai reçu plein de snaps encore. On reçoit plein de messages sur les réseaux sociaux. Il y en a qui rentrent du parc Astérix. Il y en a qui sont dans les piscines gonflables là, en ce moment, ou dans les grandes piscines. Hein. En tout cas, vous profitez bien. Mm-hmm. J'espère que vous passez un bon week-end. On est avec vous jusqu'à 22h. Libre antenne. Le numéro pour nous appeler 01 42 48 5000. Et des messages aussi qu'on reçoit. On en parle à l'antenne avec celui de Florian, qui s'est amusé à porter un des sous-vêtements de sa copine, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est parti d'un délire et il a essayé les strings de sa meuf pour rigoler. Et en fait, il a trouvé ça plutôt confortable. Et finalement, il en met de temps en temps pour aller au boulot. Maintenant, il trouve ça plus sympa que ses boxers d'auparavant. Du coup, on vous pose la question. Et vous, qu'est-ce que vous mettez comme sous-vêtements ? Bien sûr. Ça peut être surprenant. Hein. Après, ça, normalement, on est très classique. C'est quoi ? C'est caleçon, boxer pour les mecs. Et pour les filles, c'est culotte et string, quoi, la plupart du temps. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut éviter les habits qui compressent trop les testicules. Ah, voilà. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des habits assez amples pour laisser les testicules libres et pas comprimés. Libérer le reste, vous nos mettez, couilles. Libérer vous mettez ce que vous couilles. Voulez dans les fesses. Hein. C'est pas gênant. Voilà, c'est ça. Le fameux string, c'est la petite ficelle dans le cul. Oui, hein. à poil devant les copains, ça la fout pas. C'est pas mal. Hein. Bah, c'est clair que si c'est le jour où t'as piscine et que tu dois commencer à enlever tout ça, je sais pas. Après, Julien est avec nous. Peut-être que Julien, lui aussi, aime bien se mettre des petits strings. Bonsoir, Julien. Salut, Karel. Salut, Alice. Salut, Doc. Salut. Julien, t'as 29 ans, t'es à Boulogne-sur-Mer. Ouais, c'est ça. Quels sont tes sous-vêtements, toi ? Bah, moi, je suis les conseils du Doc, en fait. Je laisse tout aller, je mets rien du tout. Tu mets rien du tout. Pourquoi pas, ouais, bien sûr, si tu te laves bien, il n'y a pas de soucis. Hein. Ah non, mais c'est dégueulasse. Mais en quoi c'est dégueulasse? Ça veut dire que Doc, elle habite à l'air, ça. Non, moi je mets un caleçon. Mais franchement, les gens qui se lavent et qui mettent un pantalon, ce qui est dégueulasse, c'est de montrer ses organes génitaux. Non, mais c'est surtout... Après, il fait ce qu'il veut avec son pantalon. Donc la fermeture est claire. Chaque homme sait que la fermeture est claire. Tu peux te la prendre. Tu peux avoir un accident, quoi. Ah, bah, dire, ça, qui s'est déjà coincé la fermeture est claire, le bout de sexe avec la. La peau. La peau. Bien sûr. Ah, il y a des maladroits. Oh, putain, c'est une douleur incroyable. Non, c'est vrai ou pas, Julien ? Ça m'est jamais arrivé. Eh ben voilà. Eh ben tu es le chanceux, toi. Mais ouais. Donc, Julien, c'est à poil. En ce moment, t'es à poil, Julien ? En dessous de mon short, ouais. Rien. Eh ben, range-moi tout ça. Mélanie est avec vous. Vous voulez une photo ? Je peux vous envoyer une photo ? Alice voudrait bien une photo, oui. Bien sûr. D'accord ? Ok, ça roule. Ouais, quoi ? Ici à Julien ? Il va pas la faire. Il a annulé. Mélanie est là aussi. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Alice, bonsoir Karel, bonsoir Doc. Salut. Bonsoir Mélanie, tu as 23 ans, tu es à Poitiers, une Poitevine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on porte à Poitiers ? C'est quoi la mode ? Un peu de tout, on va dire. Moi, je sais que depuis que je suis célibataire avec ma meilleure amie, en fait, on adore aller dans un magasin qui s'appelle Darjeeling où on dépense énormément, énormément d'argent. Ah ! Qu'est-ce que c'est ça, Darjeeling ? C'est un magasin de prêt-à-porter au niveau sous-vêtements où il y a un peu de tout. C'est un peu comme Rouge-Gorge. Ah. Et du coup, on y va à peu près deux fois tous les 15 jours. Ah on ouais, dépense beaucoup, beaucoup d'argent dedans. Ah bah ouais, carrément, les sous-vêtements, c'est important. Ça vaut combien un string ? Parce que ça dépend. Déjà, rien qu'un soutien-gorge, ça peut valoir à peu près 60 euros. Ah, je suis d'accord, mais le string, ça vaut quoi ? Bah ça dépend, c'est entre 5 et 100. 20, ouais, 100 euros, ouais, 100 ça euros va bout de ficelle. Bah oui. Bah 25 euros des fois. Mais Mélanie, quand tu vas dans ces boutiques-là, qu'est-ce que tu achètes essentiellement ? Parce que tu dépenses beaucoup d'argent. Tu prends aussi des sous-vêtements. Avec avec l'ensemble, quoi. Ouais. Ah ! Et quoi d'autre ? Après, des nuisettes, des tangas, des boxers, des strings. Ouais. Et quoi d'autre ? Déjà, c'est déjà bien. Une gaine. Ah non. Ah, l'autre, il gâche tout, sans déconner, c'est pas possible. Mais Mélanie, on ira faire les boutiques ensemble, tu m'as convaincu. D'accord ? Mélanie, c'est vrai que... Mélanie, le string, la ficelle dans les fesses, toi, ça ne te choque pas, ça ne te fait rien ? Oh ben non, pour une fille, c'est quand même assez sexy. Hein. Enfin, on s'habitue. Pas dans les fesses. Ah ben attends, oui, mais déjà, pas dedans, dedans quoi. Oui, enfin, toi tu le supportes, Alice. Ouais, moi je le supporte. Après, ça dépend quel type de string. Mais je veux dire, en général, attends, ça te rentre pas dedans, justement, bon, les beaux strings je en l'ai dentelle. Peut-être mal mis. Ça se pose, quoi, tu vois. Non, mais j'en ai essayé une fois et peut-être que je l'avais trop rentré. Ouais, c'est possible. Kassim, t'as déjà mis des sous-vêtements de ta maman, toi? Oui, exactement, ouais. Et c'est vrai, il nous raconte des fois, il met les sous-types de sa mère. Et je me branlais. Non, insupportable. Élodie est avec nous. Bonsoir, Élodie. Bonsoir, bonsoir, l'équipe. Salut. Bonsoir, Élodie. T'entends ces atrocités qui nous sortent, hein, sans déconner. Élodie, t'es à Dijon, toi. Tu nous appelles pour nous dire quel soutif tu mets et quel sous-vêtement, toi. Tu es plutôt adepte de quoi? Moi, du string ficelle. String ficelle. Ah, bah le fameux. Ouais, vraiment, le petit truc en minuscule. Ouais. Moi, il y a que là dont je suis bien parce que j'ai l'impression de rien porter. Et puis, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise et je portais essentiellement aussi des jupes, des robes. Donc, déjà au visuel, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Donc, il y a une petite ficelle au niveau de l'anus. Quand tu pètes, ça fait de la musique. Ouais, c'est presque ça. Ouais, ah bah ça voilà. Siffle bien. Hein. Ouais. Ça fait un vibrato. Hein. Ouais. Ah, ça, c'est bon. Et Élodie, quand la première fois que tu as essayé ce petit string-là, ça t'a fait quel effet? Ça fait quel effet? Bah, rien de spé, quoi. Je tirais tout le temps sur la ficelle parce qu'elle me rentrait dedans. Voilà, en sûr. Ah, c'est gênant, bien sûr. Oui, mais on s'y fait. Et puis après, on ne sent même plus qu'on a quelque chose. Non, je ne porte vraiment que ça. Petite question. Je suis vraiment bien dedans. Hein. On en profite. Mélanie et Elodie, petite question. Doc nous a dit qu'il mettait, lui, des caleçons. Est-ce que les caleçons, c'est encore un truc que vous aimez bien, vous les filles? Ou alors maintenant, on est plutôt boxeurs? C'est quoi la mode, en fait? Pour nous. Moi, je préfère les boxers. Les boxers? Ouais, c'est ouais. Ça, mais moi, je m'en fous, je m'arrête pas là-dessus. Oh, moi, je t'enlève tout ça. Le plus sympa, c'est qu'ils soient les dedans. Non, ça, tu. Voilà. Voilà. Bah, bien sûr. Pour terminer, Axel, notre auditeur du soir, qu'est-ce que tu portes là, en ce moment, là, Axel? Bah, pour tout vous dire, moi, en ce moment, je suis en train de porter un string kangourou. Un string kangourou. Ouais. D'accord. Non, c'est vrai. Tout ça pour faire son intéressant, celui-là. Hein, non, je peux vous envoyer une photo par mail. Alors, tu sais quoi? Oh, tu les nous photos, envoies... on va en avoir plein. Oh, ouais. Envoie-nous une petite photo. Hein, avec. Alors, tu marques bien ton prénom sur ta fesse, d'accord? Comme ça, on sera bien sûr que c'est toi. Les réactions sur les réseaux sociaux pour finir, Alice. Alors, il y a Théo qui dit, même si je fais partie des rares, je porte très bien le slip, je préfère carrément que les caleçons. Et Marion dit, je ne supporte pas les strings ou les trucs en dentelle, donc c'est la grosse culotte en coton et c'est tout. John, 19 ans de Nîmes, sur Fun Radio. Bonsoir, John. Bonsoir. Salut. Bonsoir à toi, John. On va parler de quoi dans Love in Fun? Les parents de ma copine ne m'acceptent pas, ils ont porté plainte contre moi. Oh là, tu vas tout nous raconter dans un instant sur Fun Radio. Vous bougez pas, en plus on va revenir avec ça. Infinity. Sound of Legend. Le son légendaire revient dans 3 minutes, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Fun Radio vous envoie à la plus grosse teuf du monde. People of Tomorrow. Tomorrowland. Dès que vous entendez le double fun. Avec Martin Garrix. Fun. Et Don Diablo, mixé à la suite. Appelez Fun Radio. 3228. Vous partez en week-end. Tout frais payé. Pour vivre Tomorrowland. Avec les plus grands DJ. Are you ready? Et en plus, JBL vous offre la nouvelle enceinte Flip 4. Le double fun, uniquement sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute, plus prix d'un appel. JBL, numéro 1 des enceintes portables Bluetooth. Bienvenue dans un monde où les multinationales décident de tout, jusqu'au moindre détail de votre existence. En 2074, on doit tout à son entreprise, même la vie. Découvrez la nouvelle série Incorporated chaque mardi à 20h55 en exclusivité sur Sci-Fi, la chaîne du fantastique. Disponible avec Canal et SFR. Ce super bon plan KFC du mardi. 13 tenders pour seulement 6,95€. Je pourrais partager avec Ben ou Amélie. Ou pas. Ouais, plutôt pas même. Tous les mardis chez KFC, 13 tenders pour seulement 6,95€. À partager ou pas. Pour votre santé, évitez de grignoter. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise. L'Electro Beach 2017. Les 13, 14 et 15 juillet à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Electro Beach. Les premiers pas de votre enfant. Une aurore boréale. Le mariage de votre meilleur ami. Qu'allez-vous capturer avec votre smartphone Asus Zenfone Zoom S? Double capteur photo, zoom optique. Ne ratez aucun moment de votre vie grâce à ses 2 jours d'autonomie et ses 128 Go de stockage. Asus Zenfone Zoom S. Capturez l'instant. Et jusqu'au 27 juin 2017, dans les 135 magasins Boulanger près de chez vous et sur boulanger.com, un Asus Zenfone Zoom S acheté, une perche à selfie et une coque anti-choc offerte. Voir conditions sur le site. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio sur iPhone. À l'occasion de la 10e édition de la Soch Freestyle Cup à Marseille, Fun Radio présente Party Fun Live. Mercredi, plage Borély. Retrouvez sur scène les plus grands DJ. Martin Solveig, Galantis, Backer Matt, Henri PFR, Ugel, Watermat, Adrien Thomas et Maeva Carter. Party Fun Live, mercredi à partir de 19h. Plage Borély à Marseille. Un événement à vivre en direct sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le son Dance Floor. Quand ton regard me caressait les lèvres, ça m'énerve quand le temps venait nous imposer ses règles. Souvent c'était mon excès qui jouait avec tes nerfs. Ma jalousie provenait du fait que ta silhouette hantait mes rêves. J'appréciais ton naturel, ta démarche inaccoutumée. Les gens nous voyaient comme des fous alliés. Ton corps un dessin parfait, tes poignets remplis de bracelets. Parfois je sens l'odeur de ton parfum pour ne pas l'oublier. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver. On ne voyait plus nos amis car on surveillait nos arrières. Se moquer des clichés pour casser les barrières. On ne faisait que provoquer quand on parlait de se marier. Je sais que si demain ton chemin recroise le mien, tu aurais envie de me dire que tes sentiments sont les mêmes. Tes pensées étaient miennes car tu as fait de moi un homme. Maintenant quand j'observe la lune, je vois la beauté de ton âme. Every time I see that smile, my life is yours. Next time we kiss the sky, the sky. De se faire pardonner, le lit en guise de bateau, puis on naviguait à travers nos souvenirs, comme si on avait l'air de ne pas vouloir penser volontairement à nos projets. Je ne mettais jamais le projet sur les choses que tu me reprochais. Je voulais être proche de nous fou rire, au bon moment je me raccrochais. Tu m'appelais pour me dire que tu raccrochais. Every time I see that smile, my life is yours. Next time we kiss the sky. Le numéro de téléphone pour nous appeler toute la soirée, libre antenne, 01 42 48 5000. C'est gratuit, on vous rappelle derrière, allez-y, hein, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, le Snapchat. Vous pouvez aussi nous regarder en live, parce qu'on est filmé tous les soirs, funradio.fr pour voir les images. Tu dis bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour, c'est ça ? Bonjour, salut ! D'accord, mais ils nous écoutent aussi, Kassim. Ok, alors... C'est l'impression qu'on est dans un zoo. Vous n'avez pas lui lancer des cacahuètes ? Salut ! Ah mais Cassim me fait honte. Non mais vraiment. Ensuite, mais maman, je passe à la télé, regarde. Non, j'en ai pas. John est avec nous. John va nous libérer de cette emprise de Cassim dans l'émission. Salut. Bonsoir. Carole, bonsoir. La liste de doc. Bonsoir. Bonsoir John. T'as 19 ans, t'es à Nîmes. Ouais, c'est exact. Raconte-nous ton histoire, John. En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, si tu veux, j'étais chez un gars qui avait 27 ans, tu vois. Ouais. Et parce que je vivais plus chez ma mère. Et en fait, le gars avait des vues sur ma copine qui en a que 16. Oui. Et à chaque fois, il essayait de la forcer à lui faire des câlins, des bisous, des trucs comme ça. Et à un moment, il lui a montré sa teub. Oui. Et ouais, elle s'est enfuie quoi, de l'appartement. Attends. Directement. C'est quoi ça ouais, parce que moi, je le comprends. Tu vivais avec un mec de 27 ans. C'est compliqué parce que tu vois, en fait, ma mère m'avait foutu dehors parce que je suis parti travailler. Et qu'en d'accord, fait, elle... très bien. En gros, en fait, si je travaillais et que bah, déclarais, tu vois, elle perdait des sous. Et du coup, elle m'a dit que tu te débrouilles. Tu travaillais, on a compris. Okay. Tu vivais avec un mec de 27 ans voilà. Parce que tu n'avais pas d'endroit pour vivre, parce que tu es en tout cas, tout juste majeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sans ressources, d'accord. Et je le connaissais depuis un petit moment aussi, tu vois. C'était quoi pour toi ce mec? Un simple copain? Ça a été un coloc relation... Un bon pote. Tu n'avais pas de relation amoureuse ni sexuelle avec lui? Comment? Est-ce que tu avais des relations sexuelles avec lui? Ben non, je suis pas pédé. Mais non, mais j'ai pas dit ça. Hein. On dit homosexuel. c'est nul. Non, mais ça peut arriver parce que vu le zèbre que tu décris, je m'attends à tout. Ouais, donc le mec, il montre sa teub à ta copine qui a 16 ans. Hein. Ouais. Donc là, ta copine est choquée. T'étais pas là. T'étais dans la pièce à côté. Et toi, tu peux pas parler au mec là pour lui dire vas-y, tu te calmes quand il y a ma meuf qui est là, quoi. Je veux dire, impose-toi aussi. Bah, mec, je l'ai déjà dit, je me suis déjà imposé, mais il semble pas. Tu t'imposes de rien du tout, tu montes sa teub. Bon, mais je savais même pas de base, elle me l'avouait que lundi, ça. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe après? Après, elle s'enfuit. Et en fait, c'est ça. Elle s'enfuit de l'appartement. Et après, tu vois, genre, il y a sa mère qui a débarqué parce qu'elle avait séché les cours. Elle a réussi à avoir l'adresse et tout, tu vois. Elle a débarqué dans l'appartement. Et lui, il a commencé à raconter plein de merde, comme quoi je la battais, je la maltraitais, des trucs comme ça, tu vois, que je l'insultais, je la menaçais, que je faisais du mal. N'importe d'accord. Quoi. Oui, ouais. Bon, on est dans la folie, oui. Oui. Du coup, sa mère l'a cru en plus. Bon, ouais. Du coup, à un moment, en fait, si tu veux, je suis revenu chez lui avec ma copine pour aller chercher des cartouches de gaz pour un airgun. Et en fait, il me dit, il y a la mère à Clara, et ma copine, elle a pété les plombs, tu vois, elle a commencé à rentrer dans l'appart et tout, elle me dit, casse-toi, ça va péter les plombs. Du coup, moi, je me casse, tu vois, parce que sa mère, elle était dans une colère, mais laisse tomber. Ouais. Et après, ça a recommencé aussi le lendemain, le jeudi 8 juin, tu vois. Ouais. Et j'ai réussi à un peu calmer les choses avec sa mère et tout ça, puisqu'elle a accepté qu'on se voyait ensemble. Sauf que tu vois, le dimanche, il a débarqué dans son village et en fait ce qu'il a fait après, elle est tombée dans le panneau parce qu'elle s'est fait manipuler, on s'est tous fait manipuler, tu vois. Mmh. Elle l'a suivi, en fait le gars dans son sac avec des bouteilles d'alcool, des cordes, menottes, un taser, tout ce qui s'ensuit quoi. D'accord. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Elle l'a violée? Non, il a voulu la violer, sauf que sa mère est arrivée à temps parce que je l'avais prévenue, tu vois. D'accord, oui. Putain, mais et moi, c'est une histoire de dingue là. Ouais. Alors, donc, ah ouais, c'est vraiment une histoire de dingue. Attends, la mère a déposé plainte contre ton copain? Non, contre moi. Mais non, mais c'est pas toi qui avais les... Attends, écoute-moi, c'est très simple. Moi, je veux bien... Je sais pas. Ou alors, tu ne racontes pas la vérité, mais c'est pas possible. Quand tu as une histoire comme ça, ta copine ne va pas dire que c'est toi qui avais les liens, que c'est toi qui avais l'alcool, que c'est toi qui avais je ne sais quoi. C'est pas elle qui va dire que c'est toi qui montrais ta teub. D'accord? Elle va être entendue par la police, ce qui est logique, et elle va raconter ce qu'elle a vécu. Bon, soit elle raconte quelque chose qui te charge, qu'elle a vraiment vécu, et à ce moment-là, c'est à toi de te poser la question, soit elle raconte la réalité de ce que tu dis, enfin si c'est ce que tu dis en tout cas, et dans ces cas-là, c'est ton copain qui va être inquiété, pas toi. Toi, tu peux être éventuellement considéré comme complice si tu n'as vraiment rien fait, parce que voilà, mais c'est sûr que c'est lui, et si ça se trouve, moi ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que ce garçon ne doit pas être à son coup d'essai. Donc je pense qu'une action, en tout cas par la police, est tout à fait nécessaire, oui. Car c'est certainement un psychopathe. John, t'as été entendu par la police ou pas? S'il y a une plainte qui a été déposée contre toi, t'es convoqué? Oui, j'ai été entendu le jour même. D'accord. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, ils t'ont dit quoi? En fait, le fait qu'il n'a pas totalement pris la plainte, parce qu'elle m'a dit qu'elle pouvait se plaindre entre des papiers, mais il m'a expliqué qu'il ne fallait plus que j'approche Clara, que j'essaie de la contacter ou autre, parce que sa mère était déterminée à nous faire couper contact. Bah oui. Attends, avec tout ce qu'elle a vécu, il faut quand même peut-être un tout petit peu, il faut que les choses s'aplanissent. Bah déjà, ouais. Toi, alors bon, tu ne le fais pas, bon, tu vas plus l'avoir, ça c'est la réalité, c'est comme ça, c'est pas de ta faute, mais l'attitude de ce garçon est telle. Parce que là, tu vis où actuellement? Voilà, je suis dans un petit studio que j'ai sur Uzès là maintenant. Donc t'es plus avec ce mec? Ah non, je suis plus avec ce mec depuis très un bien. Petit moment. Ah bon, voilà. Très bien. Et ça fait combien de temps cette histoire? Quelques semaines, même pas à peu près, ça a commencé le 7 juin. Donc la police ne te poursuit pas. Elle a donc compris qu'en fait, tu n'étais certainement pas le violeur, parce que je te rappelle que quand même, tentative de viol, ouais, avec tout ce qui s'ensuit, bien, c'est pas effectivement le crime consommé, mais c'est tentative de, et ça peut aller très très loin. On passe devant un juge et on peut être condamné, c'est une évidence. Bien sûr. À la mesure où la police a dit, bon, il n'y a pas de poursuite contre vous, mais vous ne l'approchez pas. Moi, je crois qu'hélas, mon grand, c'est logique. Alors moi, la question que je vais te poser, est-ce que tu l'aimes ? Oui, je l'aime plus que tout le monde. Il va falloir, si tu l'aimes, il faut que tu... Oui, ben, oui, mais c'est comme ça, il faut que tu acceptes. Moi, je laisserai les choses se passer. Ouais. J'écrirai un mot à sa maman, très honnête, en disant, voilà, je suis amoureux de votre fille, je comprends ce que m'a dit la police, je comprends votre inquiétude, et je respecte pour l'instant la décision qui a été prise. J'habite désormais seul, car j'habitais avec quelqu'un qui, effectivement, ne se comportait pas bien, et tu présentes tes excuses pour ça, parce que quand même, il y a de quoi. Et puis après, t'attends. Oui. Et après, t'attends. Ouais. C'est après, tout, parce que sinon, effectivement, si tu fais le petit malin, que tu vas essayer de rencontrer la fille, la voir alors que c'est pas autorisé, c'est sûr que les filles vont se dire... C'est évident. Ah ouais, faut... C'est tout, la situation est grave. Tu dois comprendre ça. T'as compris, John ? Ouais, j'ai compris. Non. Mais elle a pas porté plainte pour le viol contre moi. Moi, j'ai bien compris, dit... mais... La police... Non, mais là, je veux dire, c'est tellement grave qu'il faut faire profil bas en attendant, quoi. Je veux dire, laisse tasser le truc, quoi. Mais tu peux écrire à la mère. Tu peux écrire... J'ai essayé de lui parler. Non, mais... Mais c'est encore trop frais, là. Tu écris une lettre en disant ce qui s'est passé, en disant clairement ce que tu éprouves, en disant aussi que tu respectes, je te répète pas la deuxième fois, mais si tu veux pas le faire, tu le fais pas, que tu respectes la décision, parce que c'est effectivement, c'est la police que tu vas avoir sur le dos. La police, elle a besoin de faire une enquête. D'accord. Voilà. On me dit qu'on peut appeler sa maman. Oui, mais si on peut appeler sa maman, moi je veux bien. Ah bah attends, non, oui. on me dit qu'il faut que je demande à John si on peut appeler sa maman. C'est moi, différent. Moi, je vous dirai une chose, avant de lui demander... Vu qu'il y a une action de justice, vu qu'il y a une enquête de police, ouais, et vu que la police ne souhaite pas vraiment... voilà, parce qu'à mon avis, ils vont se fâcher très fort, et ça peut, pour l'instant... Moi, je vous propose d'attendre une semaine ou 10 jours, et peut-être, secondairement, de l'appeler, parce que là... On sera peut-être en vacances dans 10 jours, d'accord. Juste avant de partir en vacances, effectivement. Non, je vous le dis comme ça, parce que c'est tout. Bon, moi, je veux bien que, indépendamment de lui, sans lui... Mais John, la maman, c'est envisageable ou pas pour toi si on admet juste que c'est Doc qui lui parle, d'accord ? Ouais. Genre toi, tu n'interviens pas dans la conversation téléphonique. Oui, on te les met de côté. C'est parce ça. Que c'est pas possible. Et tu parleras pas. Et on lui dit qu'elle est en direct à la radio. Et nous, on va lui donner ta version des faits, d'accord ? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, John ? Moi, j'aimerais bien, mais il faut juste que Clara elle accepte, quoi. Non, mais... Que je lui en parle d'abord avant. Non, non mais t'as plus le droit de rentrer en contact. Non, t'as pas le droit. T'es malin, toi. Il n'a pas compris, John. Non, et t'as interdiction de lui parler. On peut appeler hors antenne bon, sa maman. On va faire une petite pause. On va revenir avec John qui va clarifier ses idées. Mais parce que là, ça mérite d'être clarifié. Bien sûr. Et on va réécouter aussi le meilleur des filles fallait pas demander de la semaine. C'est Guillaume qui avait appelé sa maman Sandrine pour lui dire qu'il ne passerait pas le bac pour aller méditer au Tibet. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on s'est marré. C'était fort. Franchement, c'était juste énorme. Le meilleur des filles fallait pas demander de la semaine dans un instant. On va voir si on peut appeler la maman également de la petite amie de John. Mais d'abord, on écoute Sound of Legend Infinity sur Fun Radio. Tous les soirs, hein, du dimanche au jeudi, si vous venez de nous rejoindre, l'émission s'appelle Love in Fun en direct. Direct sur Fun Radio. Bonne soirée à tous.

Attends, moi, ce qui m'interroge, franchement, c'est tu dis dans le milieu homo, voilà, c'est que des plans cul et pas d'histoire d'amour. Alors que moi, je suis persuadé qu'il y en a plein qui réussissent à avoir des histoires d'amour. Peut-être que c'est plus facile quand t'es homo de pécho que quand t'es hétéro, mais sinon, enfin, je vois pas la différence. Deux non, c'est plus basé sur le cul. Pas que, il y a aussi des expériences. Probablement, mais bah, oui, il y a forcément des gays qui vivent en couple, qui même se marient, ouais, carrément, et fondent une famille, bien sûr. Mais moi, c'est ça que je voudrais en plus. Bon, après, voilà, j'ai 18 ans. Raphaël, t'es trop impatient. Ah oui. Parce que quand on veut un plan cul, tu l'as montré. En 3 mois, t'en as trouvé 6, peut-être 8, j'en sais rien. Et t'es passé à l'acte. T'en as probablement trouvé plus. Si tu veux une histoire d'amour, il faut du temps. Parce que c'est une vraie rencontre, et les vraies rencontres, ça se trouve pas comme ça sous le sabot d'un cheval, d'accord ? Doc a attendu 119 ans avant de retrouver Katoche. Ouais, non, 150. 154, pardon Doc. Naofel, tu sais que quand tu viens sur l'antenne et que tu dis, voilà, moi je cherche des mecs, forcément, toute la France l'amour, nous écoute. Hein, l'amour, oui. L'amour, cherche. L'amour, bien sûr. Il y a plein de mecs qui nous ont appelés, enfin deux. Il y a Steve qui est avec nous. Steve, 20 ans de Paris, bonsoir Steve. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut à toi Steve. Dimitri aussi est là, 19 ans de Nice. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Alors, salut. Naofel, si ça te plaît salut. Pas. Salut. D'accord. Attends. Ouais. Si jamais on va te passer Steve et Dimitri, tu vas commencer par Steve. Si jamais il ne te plaît pas, tu diras next et ce sera au prochain de tenter sa chance. D'accord. D'accord. Et s'il te plaît, ben, tu le gardes, tu le keep. Ok. Oui, enfin, tu lui parles. Ok. Oui. Voilà, c'est parti. On y va. Naofel, Steve. Salut. Salut Naofel, ça va? Salut. Oui, et toi? Ça va, tranquille. Et toi, j'ai entendu que tu peux me rappeler vite fait ce que tu recherches, peut-être? Bah, une relation à long terme avec quelqu'un. Ouais. Mais du coup, t'exclus pas, genre, on me pose voir autour d'un verre et puis genre, on voit ce qui arrive? Non, j'exclus pas du tout ça. Pour moi, là, je partirai plus sur des plans cul, quoi. J'ai envie de mettre un stop et de pour l'instant, voilà, essayer de trouver quelqu'un. J'en ai marre de me donner aussi facilement. Non, déjà, t'inquiète. Bon, tu te donneras pas forcément facilement avec moi, mais moi, je t'avoue, bon, il fait chaud sur Paris. Moi, je suis chaud, tu vois, de base, je suis méditerranéen. Donc, bon, j'ai un peu le sang chaud, quoi. Ouais, mais, ouais. Non, du tout. Après, de toute façon, je sais mettre des stops si j'en ai envie. Et du coup, après, de toute façon, avant de te voir, je voudrais quand même voir une photo, parce que ne se sent jamais, j'ai aussi des critères physiques. Donc, du coup, voilà. Ah, c'est quoi tes critères physiques? Vas-y, dis-moi. Bah, maximum 25 ans et qui sont un minimum musclé, quand même. J'aime bien que le garçon soit avec qui je sors prenne soin de lui, quoi. Bon, ça va, j'ai le six-pack, ça va. Je suis tranquille. T'es gaulé comment, toi, Steve? Bah, je suis grand, je suis genre à peu près 1m80-85. Je fais de la muscu, donc ça va, je suis plutôt bien taillé, on va dire, un petit peu plus que toi, Karel. Ouais, non, mais pas attends. Pas beaucoup plus, donc ouais, ferme ta gueule. C'est pas dur. Ouais. Alors Steve, voilà. Tu me fais beaucoup de peine, donc moi c'est moi qui vais être next. Non, vous allez vous parler en antenne. Ouais, non mais... Après. Naofel, faut chercher d'autres. Il a pas l'air sympa le mec. Hein. Je sais pas si j'oserais dire next aux gens, mais honnêtement, Steve, t'as l'air très bien et tout ce qui s'ensuit. Sauf que je pense avoir compris ce que tu voulais. C'est pas du tout ton armage et le sang chaud et tout. C'est non, en fait, non. Il y a pas de sang chaud qui tienne. Je te connais pas. Boire un verre pour au final finir dans ton pieu, c'est pas la peine. Donc oui, je veux dire pareil que les. Bon, on n'est pas obligé d'aller dans un lit. Hein, je te rassure tout de suite. Enfin, j'ai une voiture. Je l'adore. Ah ouais. Donc vous me croyez maintenant de ce que je dis, s'il vous plaît. On a quand même compris que globalement, oui, pour l'histoire d'amour, mais enfin, il y a le sexe avant tout. Ouais, c'est ça. Il est quand même un peu clair là-dessus. Bah ouais. Non, mais alors, on va accueillir Dimitri. Peine. Dimitri également de Nice. Bonsoir Dimitri. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Naofel. Salut. Bonsoir, c'est Naofel. Naofel, pardon. Oui, excuse-moi. Pas grave. Oh non, la musique de merde, j'adore. Allez-y, rencontrez-vous. Donc, moi, c'est Dimitri, j'ai 19 ans, je viens de Nice. Moi, ce que je recherche, c'est un peu comme toi, en fait, du sérieux. Je suis assez, entre guillemets, fleur bleue. Mais... C'est-à-dire fleur bleue? Moi, je veux pas de... Le sexe, c'est bien après, en fait. Ouais, ça, c'est les papillons. C'est un peu. Ouais, c'est d'abord la personne, je veux apprendre à te connaître avant tout. Déjà, j'aime beaucoup ta voix, donc déjà, c'est un bon point pour toi. Et t'es comment physiquement après? Je fais 1m81, j'ai repris la muscu il y a pas longtemps, donc je suis pas aussi musclé que ce que tu peux attendre pour l'instant, mais je travaille dessus. Sinon je suis brun aux yeux bleus. Ah oui. Voilà. Tu marques un point aussi du coup. Pourquoi? Bah brun aux yeux bleus. Ah. J'ai l'impression qu'il se passe un truc. Il y a comme un feeling qui se crée là entre Naofel et Dimitri. Non, j'aime bien, ouais. Et ben voilà, en plus vous êtes pas loin, Nice-Toulouse. Enfin, ça c'est vite fait. Hein. On va dire c'est le sud de la France. Hein. Mais bon, Naofel, est-ce que tu es d'accord pour peut-être parler, enfin j'allais dire prendre en antenne Dimitri? Ben après avoir s'il y en a d'autres personnes qui attends, appellent, c'est bon, mais sinon... Non mais tu vas pas faire ton marché non plus, Naofel. Hein? Écoute, s'il y en a d'autres qui nous appellent, on te filera les numéros de téléphone, d'accord? On va te passer Dimitri. Dimitri, t'es d'accord pour prendre Naofel en antenne? Ouais, il n'y a pas de souci. Bon, et tu nous tiens au courant, Naofel, si jamais ça le fait justement avec Dimitri. Hein. Ok, d'accord, bah, je vous rappellerai. Et retenez bien ce qu'a dit Doc sur les histoires d'amour. Faut pas être impatient comme ça, il faut attendre. Hein, C'est important, ça vient pas tout cuit comme ça. Le chiffre d'Alice dans un instant sur Fun Radio, alors qu'une nouvelle idylle vient de naître en direct. Ce soir, on va parler... L'amour est dans le pré, maintenant c'est l'amour est dans le game. Et absolument, et sur Fun Radio dans Love in Fun. Ouais. Alors chiffre ce soir, on va parler de quoi, Alice? Bah écoute, on va parler des personnes qui coupent les ponts, en fait, qui ont déjà arrêté de parler ou de voir quelqu'un juste pour faire plaisir à son mec ou à sa nana. Par d'accord. Amour. Et il y en a plein qui l'ont fait et qui ont perdu des potes comme ça parce que tu te fais larguer et tout, tu reviens, hey, c'est moi, bah c'est non, clair. Tu m'as basé et tout à l'époque, moi je pue. Voilà. Des fois, t'es le pote à qui on parle plus. Et tu peux être déçu en plus, hein, franchement. N'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000, voici Jason Derulo. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. Yeah. No, I ain't got no dinner plans. So you should bring all your friends. Swear to all of y'all my time. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow, la, la. Bust down on my wrist, ain't it, bitch? My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swallow nothing, word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer, word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. Like how your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still called, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a seat, cause you know what I'm saying. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Yeah. Jason, de son prénom, sois là. Le chiffre d'Ali dans Loving Fun sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Beaucoup, beaucoup de réactions, Alice. Quel carton ton chiffre. Non mais c'est vrai. Alors ce soir, on parle des amitiés qui peuvent disparaître quand on rencontre quelqu'un. Oui, c'est vrai, parce que finalement, des fois, on est en couple avec quelqu'un, puis la personne te dit « Ouais, je sens pas trop cette personne-là, je préférerais que t'évites de lui parler. » Et nous, bêtement, on s'exécute par amour. Et il y a quand même une personne sur quatre qui ont déjà coupé les ponts pour faire plaisir à son mec ou à sa nana. Pourquoi on fait ça, Doc ? Alors, il y a beaucoup de raisons. D'abord, il y a la jalousie en premier. Et le désir de posséder l'autre. Le côté fusionnel où les amis disparaissent. Ça, c'est le cas le pire. Après, il arrive qu'effectivement, il n'y a pas d'atome crochu entre les amis de son mec et certains, certains amis qui ne se comportent pas bien, enfin bref. Et qu'on peut lui dire, ouais, écoute, celui-là, je ne le sens pas. Ça, je peux à la limite comprendre. Ouais. Parce que bon, pourquoi pas. Ça dépend du comportement. Si c'est un pote qui profite tout le temps de l'autre, qui finalement... lui demande toujours du pognon, des choses, des services et n'est jamais là quand il faut. Oui, elle peut avoir cet avis-là. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Mais l'isolement dans le couple, on va revenir en général, ce n'est pas bon. Il faut savoir garder ses amitiés et parfois garder des amitiés en dehors même du couple. Pourquoi pas ? Ça n'exclut pas de voir les copains en dehors du couple si ça pose un problème. C'est souvent dans les relations, comme tu dis, fusionnelles, passionnelles. Au début aussi, quand on sait, quand c'est l'une des premières fois qu'on sort avec quelqu'un, on a tendance comme ça un peu à s'isoler, à être avec tout le temps. Il faut garder une vie sociale, ça me paraît absolument essentiel. Et en général, si vous avez quelqu'un qui vous aime bien, eh bien il accueille le nouveau avec beaucoup de gentillesse. C'est comme ça que ça se passe, il ne fait pas le malin maligne. On a Sarah. Sarah qui est avec nous. Sarah qui nous appelle d'Annecy. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Salut. Salut à toi Sarah. Alors, est-ce que tu as déjà jeté des copines ou des copains parce que tu sortais avec un mec ? Oui, j'ai coupé les ponts avec toutes mes copines en fait. Toutes tes copines ? Ah, attends, ouais, il n'aimait pas mon entourage. Raconte-nous ça. Ouais. Bon, en fait, quand on s'est rencontrés, au début, il disait trop rien. Ouais. Et puis après, il a commencé à me faire comprendre que de toute façon, il ne les aimait pas. Et puis que moi, je ne pouvais plus les voir parce que j'étais avec lui. Tout le temps. Et voilà. Et du coup, après, on a créé un cercle d'amis avec lui, en fait. Ses amis à lui. Voilà. Ouais. Principalement des militaires. Et puis moi, j'avais plus mes amis. Et ouais, essayé aussi avec ma famille, mais par contre, là, il n'a pas réussi. Avec ta famille, c'est-à-dire qu'il voulait plus que tu vois tes parents et tout ? Voilà, mes cousines. Déjà, j'allais plus au repas de famille. Il n'y a que ma mère et ma sœur que je restais en contact. Ah, c'est ouf, ça. Ouais. Putain, il avait une emprise sur toi, le mec, quoi. Moi j'étais trop folle. Et t'es restée avec lui ? On s'est mariés, on a eu deux enfants, mais là on est séparés, divorcés. Forcément, oui. Les amis en question, on a chacune notre vie, on ne voit plus autant qu'avant, comme au lycée, tout ça, mais je leur parle toujours, quoi. D'accord, et t'as galéré pour les récupérer ou pas ? Pas trop, parce qu'ils ont été cool. J'ai pas trop tenté tout de suite, parce que j'allais pas non plus arriver comme une sœur. Salut, je suis plus avec. Ouais. C'est le temps qui a fait que, et du coup, avec toutes, on se parle, quoi, tranquillement. Après, quand t'as une vraie amitié avec quelqu'un, tu peux accepter de pardonner quelques années plus tard. Même. T'as une explication ? Il était possessif, jaloux, c'est ça ? Moi, je dirais qu'il était plus pervers, narcissique. Ah, le fameux pervers narcissique. Lui, il aimait personne autour de moi. Il me disait clairement, pour être vulgaire, ma famille, c'est de la merde. Pour te rabaisser. Voilà. Et faire en sorte qu'il n'y ait que lui. C'est intéressant, ça. Tout le monde a dans son entourage un pervers narcissique. Il faut le débusquer. Donc, comment on fait pour le débusquer ? C'est déjà ce mode de comportement où, effectivement, il va rabaisser en permanence et désavouer la personne avec qui il vit en lui donnant de bonnes raisons, en apparence. Regarde ce que tu fais, ton métier, c'est pas terrible. Regarde comment tu es, finalement, t'es pas très jolie, tu fais de faire attention à toi. Enfin bref, toujours à donner de bonnes excuses pour des récriminations. Et toujours rabaisser l'autre. Voilà. Mais après, effectivement, il faut s'en rendre compte. Alors, le problème, quand on est amoureux, on ne voit pas ça. On accepte. Oh, il a raison. Finalement, s'il me dit ça, c'est peut-être que c'est un peu vrai. Parce que c'est enrobé. Ce n'est pas dicté aussi brutalement que je le dis. Mais enfin, résumé, ça revient à ça. Et surtout, c'est l'éloignement de la famille, bien évidemment, parce que ça devient des gens qui, peut-être, ont les yeux ouverts. Et s'ils aiment vraiment l'autre, mais ils vont lui dire, attends, ton mec, il n'est pas clair. Alors, on va prendre aussi Romain. Il a 22 ans, de Saint-Lô. Salut à toi, Romain. Salut. Tu te reconnais dans le témoignage de Sarah Oui, exactement. Vas-y. Sauf que moi, c'est l'inverse. Vas-y, raconte. Alors, moi, ça faisait 20 ans que j'étais avec un pote. Donc, ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Et t'en as 22. Ouais, et on se connaît depuis la maternelle. Ouais, et d'un amitié. Coup, monsieur, on était même en coloc, pour vous dire. Ouais. Et monsieur, bah, avec des raisons professionnelles, a déménagé sur Perpignan. Ouais. Donc, tellement qu'on s'entendait super bien que moi, bah, pendant les vacances, je venais chez lui, ou lui, il revenait sur Saint-Lô. Ouais. Et à un moment donné, je lui ai proposé de revenir sur Saint-Lô. Ouais. Et lors d'une soirée, il a rencontré une fille. Et quand il a rencontré cette fille, il s'est posé avec. Et du jour au lendemain, moi, il m'a plus donné de nouvelles. Oh, l'enculé. Oh, pardon. Non, mais, c'est pas clair, oui. Ah ouais, non, mais, et alors, vas-y, donc, ça dure combien de temps ça dure, ça? Parce que ça dure pas non plus une éternité, je veux dire. Il finit par t'appeler, quand même. Ah non, il m'appelle plus du tout. Il m'a bloqué de Facebook, il m'a bloqué de partout. Mais attends, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Avec sa mère. Parce que, oui. En fait, au fur et à mesure, il y montait, il continuait à me voir chez moi, il venait chez moi quand même de temps en temps, pendant qu'elle a travaillé. Ouais. Et une fois qu'elle avait fini de travailler, et ben, il retournait aller la chercher dans son dos, en fait. Et moi, il y a un moment donné, je lui ai dit, soit tu lui dis la vérité, que tu continues à me voir dans son dos pendant ses heures de travail, ou soit moi, je vais tout lui dire, et ça va mal se passer. Mais du coup, il lui a dit, c'est soit nous deux, ça s'en finit là, ou soit c'est Romain et toi, et votre relation s'est terminée. Et du coup, il a préféré partir avec sa copine, et depuis ça, j'ai plus de nouvelles. Ça va faire 3-4 mois, j'ai plus de nouvelles. Oh putain, et franchement, tu dois être hyper triste, c'est hyper déçu, quoi. Ouais. Bah, vous savez, au bout de 20 ans, je l'ai un peu mauvaise. Il est tombé sur une connasse, excuse-moi, mais c'est vrai que... Bah... Un peu une salope, on va dire. Ouais, non, une connasse, ça suffit, salope. Oui, je crois qu'il faut, dans un couple, savoir aussi dire les choses dès le départ. Voilà, bon, d'accord, t'apprécies pas ce copain, bon, très bien. Mais moi, c'est mon copain depuis petit, donc je continue à le voir. C'est tout, c'est comme ça. Mais je pense que la situation... Mais maintenant, tu fais quoi, alors, maintenant? Bah, maintenant, moi, j'ai d'autres copains, donc voilà. Mais bon, moi, c'était mon meilleur ami, ça faisait 20 ans que je le connaissais. Bon voilà, il a décidé de tracer sa route avec sa pouce, c'est plus terminé, quoi. Oui, d'accord. Si dans 5 ou 6 ans, il n'est plus avec ou même avant, il revient vers toi, tu lui pardonnes? Non, c'est terminé. Terminé, avec toi aussi. Ah non, c'est terminé, on fait une vache qui ne forme, on ne le fait pas deux. Romain, ton meilleur pote, tu ne lui pardonnes pas? Non. T'as tort. Je suis quelqu'un de très rancunier. Il s'est fait. Arrête, c'est ton pote depuis que t'as 2 ans. Exactement, il se fait manipuler. Là. Et tu vas voir, quand il va revenir, ça va être comme dans vos plus belles années. Hein? Bon, on verra bien, mais ouais, pour l'instant, c'est très mauvaise. Ok, bah, on peut comprendre aussi. Hein. Ça t'est déjà arrivé, toi, Alice, comme ça, qu'on t'impose ou toi, t'imposes bah, ça m'est déjà arrivé. Le premier mec avec qui je suis sortie était particulièrement jaloux. Alors, c'est vrai que genre, j'avais soi-disant pas le droit de voir telle ou telle personne, mais je le faisais quand même. Mais par contre, j'ai une copine qui a coupé les ponts. En fait, on était un groupe de filles tout le temps ensemble et elle a coupé les ponts avec nous parce qu'elle était tellement jalouse qu'elle ne voulait pas finalement que son mec puisse passer du temps aussi avec ses copines, avec elle et tout. Et vu qu'elle était tout le temps avec son mec... Ça, c'est tordu. Mais c'est ça, elle était tout le temps avec son mec, du coup elle venait en soirée, son mec était là, mais elle était jalouse du fait que il nous parle et tout, donc elle a arrêté de nous voir comme ça du jour au lendemain. Ah ouais, non, et on n'a jamais eu de nouvelles, ça fait des années et des années. Bah ça c'est les gros jalouses. Oui. Hein. Ah ouais. Il y a des jaloux aussi. Hein. Notre auditeur du soir, on t'a pas entendu là-dessus. Axel. Ouais. Axel, est-ce que tu t'es déjà coupé comme ça de quelqu'un avec qui t'avais une forte amitié par amour? Oui, bah en fait ma copine, donc ça fait 6 mois qu'on est en couple. Et puis je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, elle m'a dit de plus parler à 2-3 potes. Ouais. Donc moi, je lui ai dit clairement non. Elle l'a mal pris, puis au final, elle m'a tellement cassé les couilles, mais vraiment, que je l'ai quitté. Eh ben bravo. C'est fait. Eh ben voilà. Eh ben au moins, Axel, t'as fait ce que les autres n'ont pas fait, quoi. C'est-à-dire que t'as décidé d'arrêter ta relation avec elle parce qu'elle t'imposait ça, justement. C'est peut-être ça la solution, Doc. C'est oui. de dire non, sinon, écoute, sont mes amis, tu les acceptes, sinon moi je me barre. Oui, oui, non, mais c'est sûr, il faut s'imposer tout de suite. Quand on aime quelqu'un, on peut pas avoir cette attitude-là, c'est pas possible. Ou alors on est très centré sur soi. Non, quand on aime quelqu'un, on doit être généreux, c'est clair. Des réactions sur les réseaux sociaux, là, pour finir, Alice. Alors, il y a Ludo qui dit « J'ai arrêté de parler à mon ex pour faire plaisir à ma meuf actuelle. Agathe, perso, c'est simple, je n'ai carrément plus le droit d'avoir des potes mecs. Et Oriane, je ne parle plus à l'un de mes potes, mais bon, je comprends, il essayait toujours de me pécho. » Mais que ça vous fasse réfléchir, hein, pour ceux qui vivent ça, franchement, vous voyez, hein, généralement, quand on se coupe comme ça, et puis, on sait jamais, mais il y a beaucoup, beaucoup de relations qui sont assez éphémères, hein. Et parfois, tu te coupes comme ça des amitiés alors que bah tu perds des potes, quoi. N'hésitez pas à réfléchir là-dessus. Marie est avec nous, 16 ans de Bordeaux. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Marie, t'appelles pour quoi? J'appelle pour savoir si on est obligé de mettre une capote pendant la fellation. D'accord. Ah, tu bouges pas, Marie? On va mettre un peu de suspense, oui. Tu fais des fellations, Marie? Je sais pas. Ah bien. Non, elle se renseigne avant. Ah ouais, non, mais attends, c'est pour ça, je pose des questions, moi aussi, c'est tout, ça va. C'est bon, voici Kaigo, Ellie Goulding, First Time. We were lovers for the first time. Running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions. Smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track. Way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. We were lovers on a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober, we were on and we were over. We were young and now I'm older, but I do. On the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, three stacks on the playback. I'd do it all again. Oh. Kaigo, Ellie Goulding, First Time sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Libre antenne, on parle de tout hein, dans Love in Fun. 01 42 48 5000. Il y a Marie qui est avec nous, elle a 16 ans à Bordeaux. Bonsoir Marie. Bonsoir. Salut. Salut Marie, t'appelles pour quoi? Salut Marie. Alors j'appelle pour savoir si c'est obligé de mettre la capote quand on fait une fellation. Oui, bien sûr, ma réponse est très claire. Toutes les IST peuvent se transmettre par relation sexuelle. Alors, on a parlé pendant longtemps du sida, et c'est vrai que le sida risque peu de se transmettre par fellation, même s'il y a eu des expériences, notamment chez les prostituées de New York, mais qu'il y avait d'autres facteurs de risque, la multiplicité des rapports, ouais. Et surtout le fait d'avoir une inflammation ORL très importante liée à la consommation de cocaïne, donc une bouche très enflammée qui crée une porte d'entrée. Ça, c'était il y a longtemps. Ouais, donc il n'y a pas de risque, en fait. Pour le sida. Mais il y a toutes les autres IST, il ne faut pas rêver. Bien sûr, il y a la blénorragie, même si c'est rare, la syphilis, bien évidemment, et tout autre. Les chlamydiés, tout ça, ça peut passer. Là. Ça, sont des maladies sexuellement transmissibles. Les IST, hein, oui, qui bien sont, sûr. Donc, qui sont vraiment chiantes et pas à prendre à la légère, quoi. Pas à prendre à la légère, voilà. Dire qu'une fellation, on ne prend aucun risque, c'est faux. Voilà, je le dis comme je le pense. Mais après, on peut enlever la capote si on a tous les deux le test, qui disent qu'on a la attends, mais ça, c'est la même chose que pour toute relation sexuelle. Bien sûr, Marie. Si vous êtes en couple sérieux et que, effectivement, vous n'avez jamais pris de risque, il ne faut pas non plus voir des risques là où il n'y en a pas. Bon, alors, Marie, dis-nous un petit peu, là. T'as un copain en ce moment? Non, j'ai pas de copain. Ouais, bah, pourquoi tu poses la question? Bah, parce que j'ai failli avoir un plan cul, en fait. Ouais, d'accord. C'était comment, alors? Le plan cul, il s'appelle comment? Ah, mais en fait, ça s'est pas passé. voilà. Ah, c'est pas passé, mais ça a failli se passer. Non, c'est un peu compliqué. C'était où? C'était où? Comment ça, c'était où? Bah, je sais pas, je me renseigne. C'était où ton histoire? C'était chez non, toi? Non, en fait, je l'ai rencontré au lycée. Ouais. Et on devait se voir chez lui. Ouais. Et bon, finalement, on s'est pas vu parce qu'il est un peu indécis. Enfin, c'est compliqué, en fait. Il est un peu indécis. Et du coup, ouais. t'avais anticipé le fait que tu puisses lui faire une fellation? Ouais, et plus encore, mais voilà. Et plus encore? D'accord. Eh ben voilà, eh ben putain, je serai à sa place, j'écoute la radio, là, putain, je me prends, quoi. Sans déconner. Dis-moi, t'as jamais une relation sexuelle, une relation amoureuse? T'es pas amoureuse, mais si. T'es amoureuse de lui? Ah non, je suis pas amoureuse de lui, mais j'ai déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un que j'aimais, oui. Ah, t'as déjà eu des relations sexuelles? Oui. Donc t'as déjà fait des fellations, peut-être? Oui. Et il y avait un préservatif? Et non, c'est pour ça, quand j'ai su ça, je voulais savoir si c'était vrai, quoi. Ah, tu vois, donc tout le monde ne sait pas qu'il faut mettre une capote pour éviter de choper ses maladies. Je vous dis, voilà, si on veut vraiment enrayer les IST, il faut être extrêmement prudent. La fidélité ou le préservatif, c'est clair. Quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais jamais où est-ce qu'il a foutu son truc avant. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Par méfiance, Marie, surtout quand tu le connais pas au départ ou pas assez, tu sais pas, quoi. Et puis, ne serait-ce que par l'hygiène au départ, hein, tu connais pas encore le sexe de ton partenaire. Hein, peut-être qu'il a une hygiène déplorable. Hein, ça peut t'éviter un petit vomito. Voilà. Ah, attends, j'ai déjà eu des témoignages. Ah oui. Ah mais bien sûr, Kassim a déjà été témoin de ça. Oui, c'est vrai. Bah bien sûr. Marie, donc préservatif, comme ça t'es nickel et tu prends aucun risque. Ouais, c'est ça. D'accord. Toi Alice, c'est capote direct la première fois. Bah si les deux sont clean, non, ça serait comme garder l'emballage sur le choupa-choups. Attends. Ça m'intéresse. Ça veut dire quoi, tous les deux sont clean? Tu le connais pas vraiment? Non, j'ai dit si les deux sont clean. Mais moi, je fais pas de fellation aux gens que je connais pas. Donc j'ai pas ce risque. Non mais t'imagines, tu sors avec quelqu'un, c'est nouveau. Ah mais moi, quand je sors avec quelqu'un, j'ai son bilan, quoi. Tu vois, il me donne ses prises de sang. Ah mais non, moi je suis comme ça. Il y a pas de délire. Ah ouais, attention. Et comme ça, après, voilà, je suis tranquille et je pense pas. Ce genre de choses. No problème, tu vas me faire voir ta carte vitale. Attends, je vais te. Et t'examines le sexe pour vérifier qu'il n'y a pas de petites lésions. Mais bien sûr, j'ai mes lingettes, je le lave avant, après. Mais carrément, mais évidemment. Oh papa, mais qu'est-ce que c'est que ce sexe? Vite, lave-toi. Je pense que tu t'es lavé, mais moi je te relave. Ben, si le mec a des érections encore après, donnez-moi des fesses. Ouais, c'est un challenge. Bande encore après ça. Tu vois, Marie. Ouais. Alice, elle fait attention. Hein. Toi, tu prends comme modèle Alice. Hein. D'accord, voilà, Marie. Hein, prendre des lingettes. Et surtout, voilà. Prenez des lingettes, les filles. Hein. Parfois, oui. L'été, il fait très très chaud. Ouais, on a les cheveux qui collent. On vous fait des gros bisous. D'ailleurs, je dis on vous fait, mais tu es toute seule. Donc, je te fais des gros bisous. T'embrasse fort, Marie. Salut à toi. Bisous. Salut, gros bisous. Mais on accueille Ambre, 20 ans de Narbonne, qui fait des fellations. Bonsoir, Ambre. Bonsoir, tout le monde. Salut. T'imagines l'accueil. Est-ce que tu fais des pipes? Pardon, Ambre. Bah, écoute, oui, ça m'arrive. tu nous appelles pourquoi, Ambre? Bah moi je vous appelle parce que j'ai mon chéri qui me trouve pas assez salope au lit et je sais pas trop, alors j'aimerais avoir des conseils. Ah d'accord, ok. C'est une drôle façon de considérer son partenaire, mais enfin bon. Nous allons apprendre dans un instant à être salope au lit. Restez avec nous. On va écouter Bassada aussi avec Music Sounds Below With You dans 3 minutes. On est en direct jusqu'à 22h, à tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat en tapant Love In Fun Radio. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Cette semaine, les amis, tous les jours, je veux offrir 5000 euros cash. Wow. Et ça va commencer ce matin. Allô ? Comment tu t'appelles ? Flavie. Moi, c'est Bruno. J'ai quelque chose à t'annoncer. Oui. Tu viens de gagner 5000 euros. J'ai juste envie de te poser une question, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Oh ben je vais faire la fête, je vais partir en vacances, oui. Oh c'est génial. Bruno dans la radio. Bruno revient demain sur Fun Radio. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio. Fun Radio. Sur funradio.fr. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet pour l'Electro Beach 2017 avec Fun Radio. Electro Beach. Cashmere. David Guetta. Armin Van Buren. Yellow Claw. Don Diablo. Martin Solveig. Nervo. Et bien d'autres. Réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur electrobeach.com et funradio.fr. Make some noise. L'Electro Beach 2017, les 13, 14 et 15 juillet à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son dance floor. Electro Beach. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. On est tous ensemble tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi, 20h, 22h. On pense fort à tous ceux qui révisent là, hein, qui donnent un dernier coup de collier, comme disent les darons. Tu me mets un petit coup de collier là avant le début des examens. Hein. Bon courage à vous en tout cas, et surtout merci d'être avec nous tous les soirs. On se détend ici, vous posez des questions, on parle de tout. Hein. D'ailleurs, on va accueillir avec nous, c'est Marie. Pas du tout, Ambre. Bonsoir Ambre. Salut Ambre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, salut. J'avais comme un doute. Tu as 20 ans, tu es de Narbonne, Ambre. Oui, c'est bien ça, oui. Tout à fait. Alors, il paraît que ton mec te dit un truc. C'est ça, mon mec ne trouve pas assez salope au lit, en fait. Il te dit ça comme ça? Putain. C'est ça, voilà. Bon, ça fait, ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Et le problème, c'est que ça fait plusieurs fois qu'il me reproche que je suis pas assez salope au lit. Donc quand je lui demande... C'est quoi, bah, justement, c'est ça la colle. C'est que quand je lui demande... On va lui demander, on l'appelle, en quoi... Ben, le point, c'est qu'il est en réunion de famille, il est chez ses parents, là. Donc ça va être compliqué quand même de l'appeler. Ouais. Mais le problème, c'est que quand je lui demande ben, qu'est-ce que je pourrais justement faire pour être plus salopoli, comme il dit, ben, il me dit bah, débrouille-toi. Donc je sais pas. C'est pas comme ça qu'on construit une vie de couple, qu'il demande un peu de fantaisie, un peu plus d'érotisme, peut-être, voilà, pourquoi pas un peu plus, des rapports un peu plus vigoureux, oui. Vigoureux, oui. Tu dis ça comme ça, toi. Oui, donc, oui, il y a des choses comme ça. Faut pas rentrer non plus dans le truc SM ou. Non, mais bien sûr. Vulgaire et grossier, forcément. Mais toi, justement, bon, ça, on voit bien. Qu'est-ce que tu fais avec lui sans entendre les détails? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la relation sexuelle pépère, bien programmée? C'est préliminaire, coït, et puis voilà, câlin. Et puis la plupart du temps, vu que c'est le soir, ben, c'est dodo après, quoi. Tu sais quoi, tu veux le surprendre, Ambre? Tu lui dis pendant la pénétration, tape au fond, je suis pas ta mère. Ça peut le surprendre. Est-ce que t'as envie de faire des choses comme oui, ça? Est-ce que t'as envie de faire des choses comme ça, toi? Est-ce que t'as envie de la grossièreté, la vulgarité? Là, effectivement, si on prend au mot carrel, non, ça, j'ai pas envie. Il y a ce que t'as pas envie de faire. Parce qu'il y a aussi dans la relation sexuelle, bien sûr, qui demande un peu plus de fantaisie, un peu plus d'érotisme, peut-être des tenues, parce que dans la vie intime, on fait ce qu'on veut, qui l'excite un peu plus, des tenues que tu aurais toi. Donc en perforace, c'est pas mal ça. Comment, pardon? Non, je te verrais bien en perforace. Non, mais je parle pas de moi. Avec Katoche, qui cherche la clé. Oui, bien sûr. Elle est où ta petite clé? Oui, elle est où ma petite clé, ma grosse clé? C'est dit. Ambre, il faut vraiment que tu aies une discussion sérieuse avec lui. D'abord, d'image. En lui disant, écoute, je comprends que tu trouves que nos relations sexuelles sont un peu, manque de fantaisie. Soit, c'est bien. Qu'est-ce que tu voudrais exactement? Parce que s'il n'est pas capable de dire ce qu'il veut, c'est que vraiment là, c'est un peu tordu, sa demande. Je suis désolé de te le dire. Je pense que je vois, parce que quand je te propose, c'est que demain on est lundi. Ouais. Il est disponible lundi? Ah, on prend en cas. Oui, je pense, oui. Et ben on va l'appeler parce que moi j'aimerais bien fouiller un peu son côté être salope. Ouais, non mais. Cassim le producteur, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, si tu veux, propose-lui le pied nuque. Le pied nuque. En fait, le pied nuque, c'est. Il te prend le vrai, il met son pied derrière ta nuque en même temps. Et ça, c'est sympa. Mais n'écoute pas ça, n'écoute pas ça. Non, mais non, j'ai pas compris. Putain, le malade. Mec, il est malade. Non, mais je crois que, en tout cas, c'est très intéressant. C'est important. Non, pas cette position. C'est important dans une vie sexuelle d'avoir effectivement, d'être ouvert, d'écouter ce que veut l'autre, et quelquefois, on n'ose pas demander. Alors que c'est réalisable. Mais il faut aussi savoir dire non quand on n'a pas envie et que ça va trop loin. Ça, Alice, oui. ton mec, il t'a dit « Ah putain, t'es pas assez salope au lit, sans déconner. » Comment tu réagis, toi? Comment est-ce que tu vois le truc? Bah, en fait, là, j'ai la sensation, enfin, dis-moi si je me trompe, Ambre, mais en fait, c'est plutôt lui qui guide pendant vos rapports, non? C'est lui qui prend les choses en main. Je pense que c'est ça. Il a envie un peu plus d'imprévu et finalement que ce soit toi qui prennes un peu les choses en main, je vais pas dire le domine, mais finalement qui mène un peu la danse et que ce soit en fonction un peu de toi et pas que lui, que finalement tu puisses le surprendre de la même façon que lui te surprenne parfois, quoi. Oui, mais moi je suis pas d'accord avec ces façons de ne pas dire les choses. Je pense qu'il faut deviner ce qu'il veut dire, je suis pas d'accord. Ouais, donc, je pense qu'il faut pour clairement... toi, c'est une conversation, Doc. Ben oui, oui, oui, parce qu'elle est censée deviner, ça se trouve, c'est oui, mais des fois, c'est quand même appréciable quand les gens font les choses sans même qu'on ait eu besoin de leur dire fais les choses comme ça. Il a dit quelque chose. Oui, ça, ce qu'il a dit, c'est un peu choquant, mais je pense vraiment que c'est ça qu'il veut, qu'elle domine un peu le truc. Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'il veut des tenues, il veut peut-être dominer, il veut peut-être simplement qu'elle ait, que dans les préliminaires, elle soit un peu plus alléchante, c'est possible, qu'elle ait des tenues un peu trop, un peu sexy, qu'elle le provoque aussi. Parce que si c'est toujours lui qui guide, finalement, il n'a pas la surprise, quoi. Oui. Il y a moins de surprise. Est-ce que toi, tu prends les initiatives quelquefois dans le rapport sexuel ? Non, pas trop, non. Non, voilà. Tu le caresses, tu montes dessus, comme dit Karen, gentiment. Ah non, j'évite parce que j'ai essayé quelques fois et ça s'est mal passé, donc je me prends défense. Pourquoi, pourquoi ça s'est mal passé? Ben parce que le problème c'est que quand j'essaye d'aller vers lui, ben bizarrement soit il a pas envie, soit c'est pas le moment, donc ça me freine un peu, donc j'y vais plus, donc j'attends qu'il vienne. Mais... Okay, je confirme ce que je dis. Il faut vraiment qu'il y ait un dialogue, sinon s'il s'agit de tenter comme ça dans le flou, il veut quelque chose, ben autant qu'il le dise. Il s'agit pas. Alors Axel, le conseil que je te donne, le dernier, ne le fais jamais à chaud. Prends-le à froid, c'est en dehors du rapport sexuel. Il faut une discussion apaisée. Quand tu es en plein rapport sexuel et que tu demandes quelque chose, il ne va pas savoir. Ça va être quelque chose de flou, voire même cause de démandade brutale. Axel, notre auditeur du soir, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Bah, moi, ce que je pourrais lui proposer, c'est qu'elle quitte son mec et qu'elle vienne se mettre avec moi. Ah, et oui, comme ça, je la traiterai comme une princesse. Comme une princesse. Bien sûr. Eh ben voilà. Eh ben c'est un petit mec de 16 ans qui te propose ça. T'es chaude ? Ah ouais, non, ça va, non. Mais parce que Désolé. Parce que tu aimes ton mec. Bah voilà, mais bien sûr. Oui. Donc on prend rendez-vous. On prend rendez-vous pour demain, d'accord, Ambre ? Eh ben on prend rendez-vous alors. Ça marche. Alan est avec nous pour terminer l'émission. Il a 14 ans, il est de Lyon. Bonsoir Alan. Salut Karel, salut Doc, salut Alice, salut toute l'équipe. Salut Alan, t'appelles pourquoi ? Et ben moi j'appelle en fait parce que je voudrais toucher le cul de ma copine. Mais sauf que je sais pas comment lui annoncer en fait sans qu'il le prenne mal. Attends, quoi. C'est quoi lui annoncer ? Comment ça, mais attention, j'arrive. Donc c'est ta copine, on est d'accord ? Ouais, c'est ça, depuis 6 mois maintenant. Ok, et tu lui as jamais touché un bout de fesse ? Non, jamais. Et quand tu l'embrasses, tu peux la prendre par la taille, bien sûr, et puis tu peux descendre un petit peu. Oui, il faut le faire progressivement, pas d'un coup comme ça, brutal, genre une main au cul, ça c'est chelou. Genre tu chopes le truc. Mais non, tu fais pas ça. Il faut faire un peu dans la finesse et la douceur, mais vous avez vu déjà des caresses sexuelles ? Pas vraiment, je la caresse vite fait, quoi, mais pas au cul, quoi. D'accord, tu la caresses où, là, actuellement, là, sur le bras ? Sur le bras, sur le derrière, sur le dos, voilà. D'accord, donc ça viendra naturellement quand vous serez au geste érotique sexuel, accepté par elle évidemment, autant que par toi. C'est là que ça viendra tout simplement, mais pas en lui disant je te mets une main aux fesses comme ça parce que je suis pas sûr, je sais pas, j'ai comme l'impression que ça se passera mal. Ouais, elle a quel âge, Alan ? Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. T'es son premier mec ? Ouais. Ouais, bah voilà, vas-y tranquille, hein. Ok ? Ok. Ah, il a l'air un peu déçu. Il veut lui toucher le cul, Doc. Merde, t'as pas une piste, sans déconner. Oui, mais, attends. Utilise ma technique. Mais oui, tu fais un câlin, tu descends tranquille, et puis tu verras bien sa réaction. Quand t'arrives au creux des reins, si elle te vire la main, c'est qu'elle veut. Exactement. Pas. Exactement. Et je lui colle une fessée ou pas ? Non, putain, mais pas de fessée. T'arrêtes de regarder les films de boules. Je crois que tu vas être vite célibataire. Ouais, putain, c'est clair. Cassim le producteur. T'emmerde pas, fais-le pendant qu'elle dort. Non, mais alors, super. Non, mais il dort pas encore avec elle. Sans déconner, c'est conseils de merde. Fais une sieste. Ah ouais. ça c'est une bonne idée, ça. Voilà, vous allez faire une petite sieste. Alan, tu reviens quand tu veux, je te fais une grosse bise en tout cas. Ok, est-ce que je peux faire une petite dédicace vite fait ? Vas-y, c'est parti. Alors, Alisa, Thomas et WRP Group. Voilà. Eh bah, salut, Alan. Salut. Ciao, merci de nous écouter. Salut. Axel va terminer l'émission, c'est notre auditeur du soir. Axel ? Ouais. C'est ton moment à toi, vas-y. Alors, je vous remercie en premier, donc, c'est Lindy et Cyprien, donc, pour m'avoir sélectionné ce soir. Et puis, je voulais dire surtout merci à Karel, à Doc, à Alice, à Cassim, à Joff, de nous divertir tous les soirs, parce que franchement, l'émission, elle est ouf. Voilà. Merci beaucoup, Axel. Tu déchires. Continue comme ça. Tu reviens quand tu veux. Ouais, merci. Salut Axel. Bisous. Salut. Bisous. Ciao à toi. Et nous, on se retrouve demain sur Fun Radio. Bon courage pour les épreuves demain du bac, entre autres. Hein. Et dès demain, 20h-22h, Love in Fun sur Fun Radio.